écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Seigneur, que vous voulez sa sainte présence dans nos vies. Chaque personne demande sa présence. Nous voulons une communion étroite, une bonne communion avec lui. Demandons-lui, prions. Père, par ta présence, nous pouvons connaître nos iniquités. Ô Dieu de gloire, dans ta sainteté, nous pouvons connaître, Dieu, nos ténèbres. Éclaire-nous, Seigneur. Éclaire-nous de ta lumière, car tu es la lumière. Et tu désires que nous soyons en toi et que toi, ô Dieu, tu sois en nous. Et que ta lumière brille en nous, Père. Éclaire nos yeux. Éclaire, ô Dieu de gloire, nos cœurs. Ouvre notre entendement à ta compréhension. Révèle-toi à chacun de nous, Père. Seigneur, nous cherchons ta présence, ta sainte présence. Viens te révéler à chacun de nous. Nous prions, ô Dieu de gloire, que tu sondes nos rêves, que tu sondes nos cœurs. Et que tu mettes tout ce qui est de ténèbres hors d'état de nuit dans nos cœurs. Et dans nos vies. Que notre cœur, Père de gloire, se taise. Et que toi seul, tu prends le règne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Amen. Veuillez vous lever, bien-aimés. Veuillez vous lever. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Et si vous ne connaissez pas quelqu'un, demandez-lui son nom. Thank you. Veuillez allumer là-bas. Voilà, merci. Ça va? Oh, le frère, c'est comment? Tout ce qui est bien. Ça va, mon cher? Rassurez-vous que vous connaissez le nom de quelqu'un. Que le Saint-Esprit bénisse mon frère. Que le Saint-Esprit bénisse. Merci pour ce que tu fais pour le pays. Que le Saint-Esprit bénisse. Ça va, mon cher? C'est comment, mon cher? Ça va? Oui, madame. Elle est là. Bonjour, bonne arrivée, d'accord? Fais-moi arrêter sans lui. Accompagne-moi, on passe avec ta femme alors. Ça va, ma soeur? Ça va? Tu vois, ça produit des fruits, non? Ça produit des fruits. La paix, c'est maintenant produit des fruits. Comment va ta chérie? Ça va, mon frère? Courage, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Bonne arrivée. Rassurez-vous donc que vous connaissez donc le nom de quelqu'un. Parce que il veut piper quelqu'un, mais il avait dit tu connais son nom. Attends, c'est qui ici? C'est qui est à côté de toi? Son nom c'est quoi? C'est un ADF. Et celui-ci? Il en est parti. C'est Moussa alors. Il s'appelle comment, le prince, non? Mon prince. Bonsoir. Bonsoir. Le frère là, comme il est nouveau, il est debout, il ne sait pas où il va s'asseoir. Quelqu'un assis sur la chaise là. Les enfants qui dorment, faut les mettre dehors comme ça, ils aident de l'air pour pouvoir bien dormir. Vous qui êtes les garçons qui sont dehors là, suivez les enfants pour qu'ils ne se fassent pas mal. Vous n'êtes pas serré là les frères, là, vous n'êtes pas serré. Voilà. Derrière là, le dernier banc là, vous êtes serré, vous n'êtes pas serré là-bas. Rassurez-vous que si vous mettez, vous allez enregistrer, il faut mettre sur le mode avion pour que ça ne sonne pas. Et si votre téléphone vous est entré, en oubliant votre téléphone allumé, veuillez fermer. Après on travaille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Salut encore quelqu'un à côté de vous. Vous dites que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. C'est bon là, François. C'est bon, c'est bon. Il ne sait pas pourquoi vous enregistrez, même puisque vous avez ça déjà bien. Quand vous enregistrez et que je suis de ce côté-là, vous n'entendrez pas bien normalement. C'est pas pourquoi vous enregistrez. En tout cas, faites-en bon usage. Des questions, avez-vous des questions avant qu'on ne commence? On n'a pas encore terminé avec les chrétiennes. Comment frère? chrétiens, les mauvaises pensées. Voilà, les mauvaises pensées. Les solutions, oui. On ne sait pas quelle partie nous trouvons, mais il faut qu'on continue, je ne sais pas. Après la troisième partie des solutions. Troisième partie. Y a-t-il des questions? Vous avez des questions? On examine avant de continuer. Ouais. Oui. La question, par rapport aux mauvaises pensées, dans le livre de Actes des Apôtres, oui, chapitre 5, avec Ananias et Saphira, je vais lire. À partir du verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu es retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Frère, au verset 3, la Bible dit que Ananias, c'est Satan qui lui a mis la pensée dans le cœur, qui a rempli son cœur de cette pensée-ci. Oui. Maintenant, verset 4, la Bible déclare, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Oui. Je pose la question. En clair, pourquoi tu permets que cela arrive? C'est ce que mon frère lui dit. D'accord. C'est son langage là-bas. Pourquoi tu permets que cela arrive? On va arriver, on va toucher ça ce soir. Je garde ta question. Ta question est très bonne parce que ça nous permet de meubler le décor afin de continuer dans cette voie-là. C'est un bel exemple là-bas. D'accord? Comment as-tu ça? Notez ce passage ici de Actes chapitre 5, versets 3 à 5. Et Actes des Apôtres chapitre 8. Donc, je prends d'abord les questions. On va commencer par là. Les enfants, là, vous allez bien? Ça va bien, n'est-ce pas? Donc, si je veux que vous épuisiez, si vous avez des questions, et si la question ne va pas dans l'orientation où on peut bien travailler, vous permettez qu'on travaille sur ces mauvaises pensées, qu'on en finisse. Ça fait 3 ans qu'on a commencé. N'est-ce pas? Donc, il faut qu'on en termine. Acte chapitre 5, comme il a dit, verset 3 à 5. Donc souvenez-vous, préparez-vous, la détresse arrive. Préparez-vous. La détresse arrive. Quoique, à la fin de ceci, il faut qu'on regarde cette direction-là, comment on fait pour... S'il faut qu'on coupe l'arbre là. Parce qu'il y a les arbres qui peuvent faire l'ombrage de temps en temps que les autres plantes ne puissent pas avoir la lumière dans la forêt. Et puis, ça empêche le soleil de toucher à la terre. Ce qu'il faut faire, c'est on peut décider de sacrifier cette arbre. C'est vrai qu'en tombant, ça peut tomber sur d'autres arbres, sur d'autres côtés. Mais ce serait nécessaire pour que la lumière puisse arriver sur la terre. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas, frère? Amen. Donc, notez, c'est chapitre 5, verset 3 à 5. Et Actes, chapitre 8, le verset 12 à 16. Quelqu'un a-t-il une révélation, un songe que vous partager? Sinon, si vous n'avez pas, on continue dans. Si vous le voulez bien, on continue dans ces mauvaises pensées. Si, les chrétiennes, mauvaises pensées. Masso, ça va? Des questions encore, mes frères? Ok, s'il n'y a pas de questions, donc comme je commence là, ne posez plus de questions. Si vous voulez poser des questions, posez des questions dans l'enseignement concernant les mauvaises pensées. Quoique, si vous n'êtes pas pressé, on va travailler véritablement là-dessus en y prolongeant maintenant. Notez Lamentation chapitre 2. Merci Père. Lamentation chapitre 2, les versets 16 à 20. Notez. Gardez-vous à l'esprit qu'on va prendre, on va commencer là où le frère là, comment, à poser la question. Lamentation chapitre 2, verset 16 à 20. Ouf. Joël chapitre 2. Joël le chapitre 2. Il va m'arrêter, on va commencer à parler en attendant que on commence avec ça. Joël chapitre 2, les versets 12 et 13. Notez Jacques chapitre 4, verset 8. Jacques chapitre 4, verset 8. chapitre 5, verset 8 aussi, du livre de Jacques. Notez Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28, verset 26. Maintenant, notez Jérémie, vous laissez vous donner plusieurs passages dans le livre de Jérémie où nous allons étudier tout à l'heure. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 8, chapitre 5, le verset 8 aussi. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Mm-hmm. Notez le psaume 27. Psaume 27. Maintenant, regardez bien la façon que je vais donner ceci. Notez le verset 14, puis... Vous notez le verset 7 à 9. Ça, c'est dans le même livre du chapitre 27 des Psaumes. N'est-ce pas, mon frère? Notez Matthieu, le chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, verset 35 à 37. Frère, toi qui as posé la question, lis là, commençons par là. Je crois que ça va juxtaposer maintenant. Allons-y. Donc, ouvrez ce livre de Matthieu, chapitre 13, verset 35 à 37. Puis, après cela, nous allons aller dans le livre des Actes des Apôtres que vous avez noté tout à l'heure, dans le verset chapitre 8. Donc, il lit le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, et on découvre Ananias qui vient au milieu de l'assemblée avec les choses qu'ils ont faites avec sa femme. Ces choses qu'ils ont tissées là, qui pensaient que ce n'était pas mauvais. Pierre, l'apôtre, le regarde droit dans les yeux, il lui dit, comment Satan a-t-il rempli ton cœur? Vous voyez, l'action qu'il a posée, l'action que le couple a posée au milieu de l'église, la source, le lieu du dépôt, c'était le cœur. Et je vous avais dit ici que lorsqu'un homme est cupide, aime le matériel, il est en plein dans le filet de Satan dans le cœur. Voici un exemple palpable dans les Saintes Écritures. Maintenant, ici, il dit, comment Satan a-t-il pu remplir son cœur? Comment? En clair, par où est-il passé? Allons-y vite. Chapitre 13 des livres de Matthieu. Lis, mon cher. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Oui. Alors, écoutez bien. Nous allons lire le verset 37 nous intéresse. Allons-y. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Oui. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Oui. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Oui. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous avez vu l'enjeu, n'est-ce pas? Dans ce chapitre 13 de Matthieu, il y a presque près de 5 paraboles. La parabole que les disciples demandent l'interprétation, c'est la parabole de l'ivraie des champs. Oui, n'est-ce pas? Lorsqu'il renvoie les disciples, les disciples viennent vers lui poser la question. Explique-nous la parabole de l'ivraie des champs. Il a expliqué les différents protagonistes. Donc vous comprenez que dans le monde, nous nous trouvons en plein territoire ennemi. Vous voyez, mais si vous rentrez dès le début, parce que la parabole qui concerne l'ivraie des champs, il dit, lorsque quelqu'un écoute la parole et ne la comprend pas, il ne dit pas seulement la parole, il dit, lorsque quelqu'un n'écoute pas, écoute la parole, la bonne nouvelle du royaume, et ne la comprend pas, il dit, Satan vient et enlève de son cœur ce qu'il a été semé. Voici Ananias et Saphira, c'était des frères. Au milieu de l'église. La question c'est, comment Satan a-t-il pu entrer? Quelle est la porte d'entrée dans son cœur pour que Satan puisse y entrer et pénétrer et prendre ces choses-là? Quelle était la porte d'entrée? Dans ce livre de Jacques que vous avez noté au chapitre 4, verset 8, vous remarquez que le verset 8 dit « adultère que vous êtes », parlant de notre cœur. À partir du verset 4, vous remarquez que l'apôtre commence à dire, il dit, au verset 1 jusqu'au verset 4, il dit que vous demandez, vous ne possédez pas parce que vous demandez mal dans l'objet de satisfaire quoi? Passion. Les passions, ça se trouve où, frère? Dans le cœur. Alors maintenant, il dit que quand vous demandez, vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Et quand vous demandez mal, il dit le fait que c'est mal, c'est le fait que vous demandez pour satisfaire votre passion. Ou bien encore votre convoitise. Adultère que vous êtes. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, ça dit les motivations de notre cœur. Avant d'aller placer la demande à Dieu, importe. Avant d'aller placer une demande au Seigneur, il faut regarder la motivation. Si c'est animé de la motivation ou ce n'est pas pour la satisfaction de la chair, ou mieux par imitation. Comme par exemple, vous verrez que quelqu'un a un vélo, il faut aussi que moi je lève le vélo. Quel est l'intérêt que tu aies le vélo? Est-ce une nécessité? Vous voyez? C'est ce qui est nécessaire. Dans Philippiens 4, notez cela aussi. Philippiens 4, verset 6 et 8, nous allons lire autrement tout à l'heure, mais je vais expliquer ce qui s'y trouve. Ne vous inquiétez de rien. Vous voyez, mais en tout, dans tous vos besoins. Dans quoi? Tous vos besoins. Il faut que vous ayez des besoins. Il faut qu'il y ait des besoins pour que vous placiez des requêtes. S'il n'y a pas de besoin, ne placez pas de requêtes. Vous demandez, vous dites, Seigneur, je veux que tu me bénisses. Ok, je te bénis comment? Parce que tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Lequel veux-tu que ça t'accomplisse là maintenant? Vous dites, je veux avoir des enfants. Vraiment, c'est le moment. Vous pensez, tu penses que c'est le moment. L'enfant vient là maintenant. Toi, tu tombes seul même. Ta propre tête, tu t'en sors. Hein, mes frères? Vous voyez, la bénédiction, c'est disponible. Mais la bénédiction peut te tuer. La bénédiction peut t'éloigner du Seigneur. Bien que ce soit une bénédiction, peut t'éloigner du Seigneur. Monsieur Benespoir, notez le livre de Job. Livre de Job, chapitre, notez le chapitre 11, on va y arriver maintenant. Et le chapitre 22. Job, chapitre 11. Le chapitre 22. Notez le, dans le chapitre 22, notez le verset 22. Alors nous voyons que le premier humain se trouve effectivement résidé dans le mauvaise pensée. Le cœur, quoi qu'après après cet enseignement, si quand on aura fini avec les mauvaises pensées, il faut qu'on entre encore davantage dans le cœur. Parce que la Bible déclare que c'est un puits profond. C'est un puits profond. Et permettez-moi donc de parler du puits. Avant d'avancer, là-bas, nous allons y venir. Qui au moins a déjà vu le puits? Vous tous, vous avez vu le puits. On n'a pas le choix parce que c'est notre quotidien, pas vrai? Allez. Il y a les puits à eau sale. Les puits à eau propre. N'est-ce pas, frère? Amen. Souvenez-vous, le cœur de l'homme est un puits. C'est ce que la Bible déclare. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ dans Actes des Apôtres, dans l'île des Jean, chapitre 4, s'est tenant à côté d'un puits. Qu'est-ce qu'il cherche là, frère? Ce puits. Qu'est-ce qu'il cherche de ce puits? Donne-moi de cette eau. Et l'eau qui est censée sortir de lui va normalement dans le cœur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le Seigneur au bord d'un cœur, cherchant à y entrer. En voulant nettoyer ce qui n'est pas vivable. Parce que la Bible déclare que le cœur des sages, là, dans ce cœur profond qu'est le puits, l'homme sage s'est épuisé. Vous voyez que tout ce qui est dans la vie sert de prophétie pour la vie, parce que la Bible le dit. En fait, quand nous faisons cela en pratique, on ne sait pas ce que c'est. Quand vous allez dans le puits, dans d'autres localités, l'eau est tellement abondante où vous baissez tout simplement, regardez bien, vous vous inclinez avec votre main, vous prenez de l'eau. Pas vrai? Amen. J'arrive. Et puis dans d'autres encore, vous enroulez la corde comme ça jusqu'à ce que vous êtes fatigué. Vous lancez à l'intérieur, tant qu'on n'entendait pas pop, vous savez que vous avez des difficultés encore. Il va falloir que vous retirez cette eau-là pour lancer d'une certaine façon. Et que le sol atterrit pop. Quand vous savez que le sol atterrit pop, ça va s'incliner à l'intérieur, prendre l'eau. Et puis vous commencez maintenant le périple. Vous allez attendre, remarquer que les cordes sont. On a fait des nœuds pour pouvoir faciliter la marche et la distance. Plus vous êtes vers une terre aride, plus le puits est profond. Écoutez bien et observez très bien. Plus vous vous éloignez de l'évangile. Quelqu'un qui s'est éloigné de l'évangile pour longtemps, plus son cœur est séché. La terre aride. Mais le Seigneur a prophétisé dans les Saintes Écritures, Ésaïe chapitre 12, Ésaïe chapitre 35, Ésaïe chapitre 2, qu'il transforme les cœurs, quand il traverse dans une voie, les lieux déserts, les lieux arides, il les transforme en torrent. C'est ce qu'il a donné dit. C'est ce qu'il a donné dit. Il ne parle pas du désert des Mana, quoi, des Sahara. C'est pas ça dont il parle. Il parle du cœur. Vous voyez, quand il traverse dans le désert, il le transforme maintenant en source d'eau. J'arrive là, on va travailler dans ce domaine-là. Les cœurs, il y a des cœurs desséchés. Il y a des cœurs desséchés. C'est différentes zones où vous avez le puits. Prenez en votre connaissance les différentes zones. Zones géographiques sur la terre. Plus vous êtes dans les zones où il y a de l'eau en abondance, plus vous pouvez facilement trouver l'eau à moindre distance de la terre. Vous comprenez? Donc plus vous vous approchez des personnes qui vivent autour de l'évangile, autour de la parole, même si quel que soit le cas, plus vous y imprégnez. Des choses entrent en vous tout, comme on a vu ici effectivement, que les mauvaises pensées entrent en nous par des faits de la société. Plus, c'est pour ça que vous allez voir effectivement quelqu'un qui a vécu, les enfants des pasteurs, autres qui ont vécu là-bas, même si tu vas dans le monde n'importe comment, il y a un puits qui est en toi. Ou même longtemps après, 30 ans après, on chante un cantique, tu sais, le cantique, je le chantais quand j'étais petit à l'école du dimanche. Tu étais proche de l'eau. Vous comprenez, n'est-ce pas? Celui si on peut puiser n'importe quoi. Mais quelqu'un qui a été, prenez par exemple le pays arabe. Vous voyez quelqu'un qui est un arabe, il est né à l'intérieur. Le premier jeu pour lui, c'était la bombe. Les jouets. Quand vous allez jouer. Quand il est né, le jour qu'on a joué, tu entends le boum, il faut fuir. Quand il entend, je crois que les musiques qu'il entend le plus favori, c'est le A444. Partout. Après un de ces jours, on lui dit qu'une Mariama n'est pas le Messie. N'est pas le fils de Dieu. Vous voyez dans l'espoir? Son puits est assez profond. Et puis un de ces jours, tu dis que je vais discuter avec toi. Jésus est le Seigneur haut là-bas. Tu ne fais absolument rien parce que le problème, c'est au niveau de son cœur. C'est au niveau de son cœur. Le cœur de l'homme est un puits profond et l'homme s'est épuisé. Puiser quoi dedans? Et comment ça fait tout être là-bas? Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Alors, remarquez bien que les nappes phréatiques peuvent être sales à certains endroits parce que ces endroits sont contaminés. C'est le style des personnes qui vivent dans des zones où il y a la parole qui est frélatée. Et donc, ça veut dire que tu vas recevoir la parole. Mais la parole qui est dans ton cœur, il y aura les hallelujahs, les amen, mais c'est contaminé. Si on va dans ton cœur, on puise, on ne pourra pas boire de bonne eau là-dedans. Mais il y a des gens qui puissent de l'eau quelque part avec difficulté. Ils entrent. Ce sont ceux qui restent à côté de la parole. Ils méditent pour aller en profondeur, pour chercher de l'eau propre. Vous me suivez, frère? Je vais arriver, il faut qu'on finisse. Il faut que j'avance avec les mauvaises pensées. Parce qu'à partir de là, on va regarder quel est le style de puits que nous avons. Et donc, vous voyez que plus vous êtes dans les zones sales, plus il faut creuser profondément pour avoir de l'eau. Et maintenant, regardez les obstacles. Pour creuser un puits, il va falloir que vous frappez. Les différents styles de terre, il y a les niveaux des couches de terre, des discontinuités. Quand vous allez rencontrer, vous allez creuser un moment donné, c'est la boue. Un moment donné, vous rencontrez le sable. Un moment donné, vous rencontrez l'argile. Un moment donné, c'est la pierre. Un jour encore, vous arrivez quelque part. Frère, après avoir creusé peut-être pendant 8 mètres, vous rencontrez un caillou. Vous pensez que c'est un petit caillou. Vous commencez à casser. Quand vous faites le tour, vous comprenez que c'est un rocher. Vous comprenez qu'il faut quitter la zone là. Un rocher bloque, vous ne pouvez pas continuer. Mais pourtant, vous avancez comme ça vers l'eau. À un moment donné, il y a l'incrédulité. Vous ne pouvez pas avancer. Il y a l'incrédulité. Vous lisez la parole, vous dites amen, mais vous ne pouvez pas croire. Il faut frapper. Hein? Ma parole n'est-elle pas comme un manteau qui brise le roc? Vous avez vu la parole sortir pour aller briser le roc, frère? Non. Ce sont ces choses qu'il faut concasser dans le cœur. Je ne parle pas. Vous pouvez lire quelque chose dans la Bible, vous voyez, c'est là, c'est clair. Mais vous ne parvenez pas à croire. Le rocher est là. Il faut que ça frappe sur vous. Il faut que ça frappe. Ce sont ces choses que les prophètes emploient dans les saintes écritures en langage. Comprenez? Amen. Vous avez lu Isaïe chapitre 40, verset 3. La voix de celui qui crie dans les déserts. Dans quel désert, frère? Dans Galilée, là où il baptise, là, c'est le désert, non? La voix de celui qui crie dans le désert. Bon, maintenant, dans le désert, il n'y a pas de gens. Tu cries, oh, repentez-vous. À qui on passe dans le désert? Il parle de quoi, frère? Le cœur. Que toute montagne élevée soit. Il s'adresse aux montagnes. Et que toute vallée soit quoi? Exaucée. Quand on a plané sur le roue du Seigneur. Mais la Bible dit de lui, il préparera au Seigneur le peuple au cœur disposé. Donc il s'adresse comme ça au cœur. Ce sont les langages des prophètes. Alors quand vous allez aller dans les Saintes Écritures, vous allez voir toutes ces choses-là. Que les montagnes élevées, les collines seront rabaissées. Quand vous lisez ça, avec l'arrêt plan sans comprendre le langage, vous êtes comme ça quoi? Les montagnes seront rabaissées. Vous allez attendre longtemps, ça ne doit pas se rabaisser. Il y a des zones dans nos cœurs, les difficultés. Il y a des gens qui auront du mal à pardonner. Parce que quelqu'un lui a fait du mal ou ça a créé une blessure quelque part. Sa montagne est là. On va prêcher un peu comment vous voyez la personne à pleurer. Jusqu'à ce que cette montagne s'assoie, ça se rabaisse un jour, que la personne pourra pardonner. Je dis, non, c'est évident de pardonner. Il suffit de dire pardon. C'est pas comme ça. Oh. C'est pas comme ça. Le rocher que tu as dans ton cœur n'est pas le même rocher partout. Pointe quelqu'un. Dis, ta situation n'est pas ma situation. Oui. La Bible déclare dans ce livre de Proverbes là-bas que le cœur connaît son propre quoi? Chagrin. Même si tu ne pourras pas partager ses peines. parce qu'il connaît, c'est par quoi il passe. Quand comment s'appelle Anne dans 1 Samuel chapitre 2 était là comme ça, elle babuchinait, elle pleurait. Quand elle pleurnichait là-bas, Élie pouvait savoir ce qu'elle vit dans la maison. Lui n'a pas de problème. Il a ovni là-bas qui monte partout, il mange là-bas. Il a ses enfants, il voit ses enfants. Mais elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Pour que tu appelles l'enfant de quelqu'un, envoie, on dit, hé, hey, c'est la dernière fois que tu envoies mon enfant, accouche ta propre enfant. Et tu sais que tu ne peux pas mettre l'enfant dans ton ventre. Imaginez comment tu peux être sur le lit dans ton lit, tu es en train de grelotter. Tu veux seulement quelqu'un pour donner le verre d'eau. Tu dis, si j'avais un enfant qui pourrait me tendre la main pour donner le verre d'eau, imaginez comment une femme peut souffrir. Donc ce cœur de chagrin là, vous ne pouvez pas le consoler en disant que non, ma soeur, Dieu va te visiter quand on a visité Sarah. Ça marche pour une quelqu'un, dit ça marche pas comme ça. Il va falloir que Dieu adresse une parole dans son cœur jusqu'à ce que. Et remarquez, effectivement, quand elle a prié, la Bible dit qu'elle s'est levée là-bas, elle est partie, son visage ne fut plus le même parce qu'elle a répandu son âme devant le Seigneur. Son cœur était à planer. Ça va, je suis allé dans cette direction, ça m'amène dans cette direction, si je veux dire cœur ici. Je crois qu'il faut qu'on finisse avec les mauvaises pensées, il faut qu'aller ici, dans cette direction. Donc, le cœur, les profondeurs du cœur, on va entrer, on va dessiner le cœur par la parole. Dessiner le cœur par la parole, faire le portrait jusqu'à ce qu'on parvienne à y entrer. Pour que vous compreniez toutes ces choses dans les Saintes Écritures. C'est le puits. Les bordures de puits. Vous pouvez faire maintenant un puits où les gens arrangent toutes les bordures à un moment donné. Il y a des puits qu'on ferme de façon bien là pour que les saletés ne puissent pas y tomber. Après avoir fait le puits, après avoir fait que l'eau soit potable, vous vérifiez que vous sanctifiez l'eau pour que l'eau soit potable. Maintenant, il faut fermer le sommet du puits puisque quelqu'un pourrait jeter quelque chose, ferait le poison. Vous voyez ces choses, n'est-ce pas? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Pour avoir un puits propre, le voisin dit pourquoi lui, là, l'eau comme ça, là, il vient là-bas. Vous voyez, le matin, on a fait une dépositoire de caca là-bas. Vous allez encore boire cette eau là, frère. Alors, donc, c'est ça le cœur. Et donc, ce cœur-ci, c'est la source des problèmes. Et c'est à l'intérieur qu'enfuit tous les desseins. Les desseins de Dieu sont placés là-dedans. Mais maintenant, c'est mélangé. Parce que quand vous. Et souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous encore de cela. Souvenez-vous encore de cela. On y va, frère. Regardez-moi, regardez. Lorsque vous creusez le puits, vous y allez pour trouver l'eau qui était déjà en bas. Vous ne priez pas pour que Dieu vienne mettre l'eau dedans. L'eau est déjà en bas. Il faut seulement enlever les obstacles et trouver. Dans le cœur de l'homme se trouve le dessein de Dieu, dit la Bible. Ça se trouve là de l'intérieur. Mais l'homme qui est intelligent, on sait y puiser. C'est là dedans. Quand vous creusez la terre, vous enlevez. Je voulais faire le commerce, le beignet. J'ai fait le commerce, j'ai mis mon comptoir, si on devait enlever. Sans que ce n'est pas ça, c'est un rocher sorti. Avant seulement. Mais je vends les chaussures. J'étais en train de vendre les chaussures. Oh là-bas. C'est les différentes terres. Vous voyez ça, frère? J'avance. Mais quand il commence le commerce, j'ai la fête de maquereau. Tant que je n'ai pas trouvé l'eau. Quand tu trouves exactement, c'est pourquoi tu as été appelé. Tu as trouvé l'eau du puits. Quand l'eau du puits est trouvée, on creuse encore, frère. On ne peut pas trouver. L'homme sage s'est épuisé. Selon pour cela que tu ne dois pas faire confiance. C'est le livre de Proverbes, chapitre 28, que vous avez noté là tout à l'heure. Le verset 26, il dit que celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Parce que tu peux rencontrer n'importe quel genre de puits. Or, remarquez très attentivement que tous les puits qui sont creusés dans le monde entier, tous les puits sans exception, en bas se trouvent des sources d'eau qui jaillissent et qui ne peuvent pas tarir. Ils arrivent avec la source, l'auteur de notre source d'eau. Vous voyez? Il vous donne ces fleuves d'eau là qui vont jaillir jusqu'à l'éternité. Il l'a fait avec le puits pour montrer effectivement qu'il est Seigneur. Là, avec le puits du cœur pour montrer effectivement que le Saint-Esprit habitant dans ton cœur, ça va toujours continuer à parcourir. Vous dites, le Saint-Esprit, ça sort de la parole, ça sort de ces cœurs-là. Ce petit cœur, c'est oui. Le petit puits là, vous lancez le saut là-bas, vous puisez, chaque personne, vous puisez, l'eau ne finit pas. Vous ne pouvez pas finir l'eau. Pas vrai, frère? Amen. Ok, regardez la globe terrestre. L'eau là, en bas qui est en bas là, ça sort d'eau. Chaque fois que vous puisez là, ça sort d'eau. Dites-moi alors, ça sort d'où, frère? C'est Dieu qui a mis. Il l'a mis là-bas. Vous creusez pour trouver, pour chercher l'eau. Et vous, en creusant, vous y creusez. Ah mon Dieu. Seigneur, permets-moi de parler de mauvaises pensées. Vous y creusez pour chercher l'eau. Parce que vous savez que vous devez trouver l'eau. Pointe quelqu'un. Dis dans ton cœur, se trouvent des projets. Les desseins de Dieu. Si tu veux l'eau. Tu dois creuser le puits. Si tu veux connaître son dessein, tu dois y méditer jusqu'à en enlever tous les obstacles. Donc, vous pouvez aller chez le voisin, vous dites, voisin, on va faire comment pour avoir l'eau ici. Vous savez très bien que vous allez chez la SNEC, déposer le dossier, vous allez entendre longtemps, pas vrai, frère? Et même quand ça vient, quand vous allez ouvrir l'eau jaune, vous allez comprendre que ce n'est pas confiant, n'est-ce pas? Et vous dites, voisin, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ce n'est pas au voisin qu'il faut chercher, tu dois chercher ton eau si tu as soif. Maintenant, il dit que celui qui a soif vient et boit. J'arrive. Il faut que quitte cette zone-ci. Rentrons dans notre affaire, d'accord? Acte chapitre 8. Je crois que Seigneur, permets-moi. Acte chapitre 8, là. Allons-y. Le puits d'eau. Le puits. Observez, si vous voulez savoir ces choses que sont les dit, j'espère que ne doit pas encore aller là-bas. Vous avez dans vos quartiers les mamans qui ont fait des beignets quand vous étiez, là vous étiez petit, pas vrai? Vous connaissez les mamans qui faisaient des beignets. Vous remarquez que ces mamans sont même encore là-bas. Font le même beignet. On nourrit les enfants avec. Et puis quand vous regardez son fonds de commun, vous dites c'est comment? Elle hostie entre 15 000 et 20 000. Dans son fonds de commun, elle hostie entre 20 000. Elle achète le haricot de 500 francs par soirée. Elle mouille avec les bouillies de 200. Ça qu'elle fait, elle tourne avec le sucre pour 400 ml dedans. Avec la farine, elle achète demi kilo de farine. Elle tape, elle fait comme ça, pap, les gens viennent s'aligner, prennent l'haricot. 20, 10, 10, hein, comment on appelle ça? C'est 10, 20, 20, comment? Petit à petit, elle a les pièces d'argent jaunes, école. Vous observez qu'avec ça, elle envoie ses enfants à l'école. Ils ont grandi. Elle y a fait, et elle y demeure toujours. Au point où même sa mamie la connaît déjà, elle connaît déjà le feu. Elle peut parler avec toi en coupant comme ça, elle connaît déjà, sa main connaît déjà le gabarit du beignet qui va tomber là-dedans. Poser la question, qu'est-ce que cette maman s'est fait? N'a-t-elle pas eu un autre projet? Elle a découvert son puits. Amen. La première année que tu as fait le matin, c'est là où tu viens, tu dis, maman, Marie, si n'est pas là, tu es malade. Ouais, parce qu'elle a trouvé son puits, donc pas vrai. Acte des apôtres, chapitre 8. Et donc, n'essaie pas d'aller demander au voisin. Voisin, qu'est-ce que Dieu a pour moi? Ou mieux encore, mon puits, c'est comment? Ça se trouve à l'intérieur de toi. Quand quelqu'un te demande, ça dit que ton cœur, mon cœur est mort, mon cœur. Chapitre 8, là, verset 12. Prenons ici, verset 12, je suis mon cher. Tu veux y lire? Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Oui. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe. Et il voya avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Suivons le personnage de Simon maintenant. Allons-y. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Écoutez, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Stop, souligne. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Donc, vous voyez qu'on peut pécher sans s'en rendre compte même. En prononçant les mots, le monsieur est honnête. Mais il ne savait pas qu'il était en train de franchir une ligne avec le Seigneur. On n'achète pas le Saint-Esprit. On n'acquiert pas le don de Dieu, quelque chose de Dieu, les grâces de Dieu par de l'argent. On ne monnaie pas pour cela. On ne monnaie pas pour avoir des prophéties. On ne monnaie pas pour avoir des guérisons. Comprenez, n'est-ce pas? Amen. Donc, vous voyez, effectivement, les gens ont fait des mouchoirs aujourd'hui, ils vendent les mouchoirs. Ils achètent de l'eau. Moi, je ne peux pas comprendre cela. On achète de l'eau, même à la boutique, même dans les. Vous appelez des bistrots. Au moins, même cette eau-là, on vend à 4, on ajoute 50 là-dessus. La personne multiplie, mais achète les chrétiens, ils multiplient par 4. Dites pourquoi on vendait? Il dit qu'il y a l'onction dedans. Donc, en clair, ils vendent quoi? L'onction. Ils vendent le Saint-Esprit. Donc, vous voyez quelque chose ne va pas ici, n'est-ce pas? Parce que nous sommes le Saint-Esprit. Remarquez très exactement comment, lorsque, à premier abord, lorsqu'on a amené directement l'argent avec la grâce du Saint-Esprit, à cet instant, la condamnation est sortie subitement. Pas vrai? Amen. Donc, si on continue à vendre et que ça continue à fructifier, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas l'onction venant du Saint-Esprit. On va revenir sur ce cas-ci dans un autre enseignement. Donc le Saint-Esprit ne peut pas accepter qu'on continue à le vendre comme ça là. Vous faites ça pour la. Vous pouvez faire ça et dormir. Si vous avez le Saint-Esprit en votre cœur, imaginez seulement quand vous commettez une iniquité et que le Saint-Esprit commence à vous questionner sur votre cœur. Votre cœur n'est pas tranquille. Et le verset que les chrétiens modernes connaissent, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tu fais une fois, deux fois, trois fois, ton cœur ne sonne pas. c'est que c'est pas le Saint-Esprit du Seigneur. Pas du tout. Vous voyez, on peut faire maintenant mettre les photos des gens, sur ça, c'est sur l'eau maintenant, on vend. C'est le mouchoir, maintenant, ça s'appelle le sang de Jésus. Ils achètent une bouteille de manjunga, ça s'appelle le vin rouge. Ils coupent ça dans petit petit bouteille, ils disent le sang de Jésus. Donc en temps, Jésus a transfusé son sang, ils ont fini le sang de Jésus au sang. Tu mets une goutte. Son sang n'est fini pas. Mais c'est la sorcellerie. Une goutte. Quand tu fais tes projets, tu mets une goutte là-bas. N'est-ce pas pour envoûter les gens? Mm-hmm. Et d'autres vont témoigner que ça marche. Alors maintenant. Alors ici, celui-ci dit, donnez, permettez-moi à ce que je vous donne de l'argent, à ce que vous me donnez cette même grâce-là, ce même don, afin que si elle me pose les mains du Saint-Esprit. Écoutez bien. S'il a acheté l'onction, il va prendre l'argent. Parce qu'on ne sème pas. Comment vous appelez ça, le principe de ce. Non, pas cela dans le, quand vous, dans le commerce, quand vous investissez, il y aura retour sur investissement. C'est donc pour ça qu'ils achètent, parce qu'ils dépensent bien pour avoir pour garder l'onction. Parce qu'il y a des conditions derrière l'onction. Il va falloir conserver cette onction-là. Mais là, le carnaval de Dieu est tout autre chose. Le carnaval de Dieu est tout autre chose. Le carnaval de Dieu est tout autre chose. Suivez l'apôtre Pierre qui en a parlé ici. La façon dont ils ont, le carnaval qu'ils ont suivi pour obtenir ce qu'ils ont obtenu. Et quelqu'un se dit, mais raccourci, donne-moi l'argent, il te donne ça. Ouais, c'est là, n'est-ce pas? Donne l'argent. Donc, viens, je vais te dire quelque chose. Tu veux faire le miracle? Oui, je connais quelqu'un en Égypte. Si tu parles là-bas, tu vas revenir, tu vas faire le miracle. Je connais quelqu'un au Bénin. Tu parles là-bas, tu reviens, tu vas faire le miracle. Tu parles. Donc, ça dit, Dieu est un béninois. C'est pas comme ça. Donc, on a des problèmes. Toutes ces choses-ci viennent de la source et le cœur. Parce que si les motivations ne sont pas bonnes, souvenons-nous, au fur et à mesure que nous allons travailler devant Dieu, Dieu va révéler la vraie nature, les vraies choses qui se cachent dans notre cœur. Ces rochers-là, doivent être brisés. Jusqu'à ce qu'on arrive au niveau où Dieu arrose ton cœur pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Souvenez-vous des Hébreux chapitre 6, verset 10. Souvenez-vous, lorsque vous lisez Hébreux chapitre 6. Si vous lisez le verset 1, à partir du verset 1, et vous voyez ces choses, il dit que lorsqu'une terre qui est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit. Normalement, la pluie est censée produire les légumes et au-delà pour participer à la bénédiction de Dieu. La Bible dit que là, mais s'il produit plutôt des chaudrons, il est prêt à être réprimé. Coupé, quoi? Où est-ce qu'il en est, n'est-ce pas? Le cœur, il faut que chacun entraîne. Alors, celui-ci dit, permettez-moi que je vous donne un peu d'argent. Je vous donne peut-être 200 000 pour me donner cette onction. Comme ça, c'est lui qui. Mais quel est son intérêt de distribuer l'onction aux gens? Dieu a envoyé les gens à aller distribuer l'onction. Non. Donc, ouais, il ne connaît même pas les ténats, les agoussants de cette tension. Il veut l'argent. Parce que quand il avait la foule, on dit que c'est tout. On a dit que c'est toute la Samarie qui a cru. Il a dit que merde, l'affaire, si c'est grave. 1, 2, 3, 4, 4, 10 000, la proposition c'est 200 000. Si j'investis dans cette affaire, c'est 300 000. Le retour, ce sera grave, pas vrai? Parce que maintenant qu'il y a maintenant des compétitions de construction de la plus grande église. Parce qu'on fait ça pour avoir les membres. Afin que les prédications tournent autour de la sémence, pas vrai? La sémence. Voilà là où on en est. Mais malheureusement, les gens qui cherchent le Seigneur doivent être dans une autre direction. Et je pense bien que c'est ce que nous sommes. Pas vrai? Amen. Que si nous sommes comme ça, allons dans le livre de Job chapitre 11. Merci Père. Maintenant, lisons le verset 11. Je vous ai donné tout à l'heure de lire Job chapitre. D'écrire Job chapitre 11. Pas vrai? Mm-hmm. Lisons le verset 11. Je vais lire le verset sur ouvrez. Job. Le chapitre 11. Que Dieu vous bénisse. Si, quand vous venez comme ça, vous écoutez cet enseignement, on a fait peut-être 7 ou 8 enseignements, ou 7 déjà concernant cette affaire. Si vous ne comprenez pas, rentrer, chercher la suite, le début, vous écoutez pour voir d'où on est parti. On est parti du constat que le problème humain se trouve dans le cœur, c'est les mauvaises pensées, c'est les pensées. Parce que le Seigneur a diagnostiqué dans le livre de Marc, chapitre 7 et. Oui, le frère cherche Job, il ne voit pas. Dans le livre de Marc, chapitre 7 et de Matthieu, chapitre 15, que c'est de l'intérieur, du cœur de l'homme, que vient quoi? Les mauvais désirs, les mauvaises pensées. Toutes ces choses-là, la cupidité, l'adultère, la fraude, c'est de l'intérieur que ça vient, pas vrai? Et c'est ça qui sort de l'homme, c'est ça qui souille l'homme. Le Seigneur Jésus vient de mettre là, devant l'homme, ses responsabilités. Que votre vrai problème, c'est votre cœur. Par cette déclaration-là, il dit que si vous saviez ce que veut dire, je prends plaisir aux miséricordes, vous n'aurez pas à condamner les innocents. Pourtant, dans la pratique, ceux-ci étaient accusés des choses. Mais Jésus dit, c'est en réalité, voici le vrai problème. Donc, quand vous commettez des fraudes là, on ne peut pas aller commettre des fraudes sans avoir que ça sorte du cœur. La méditation vient là-bas. Puisque Ananias et Saphira sont convenus à la maison. Maintenant, quand vous regardez la conversation entre Ananias et Saphira avec les deux, il y a un troisième personnage dont le Saint-Esprit vient révéler. Le Satan. Donc ils habitaient avec Satan à la main, à la maison. C'est terrible. Le troisième personnage, on n'a pas mentionné le nom de sa femme là-bas. Que non. C'est quand sa femme vient, parce que le partenaire de la femme, c'est qui, frère? Le diable. Vous avez, tu ne veux pas dire, parce que c'est que tu vas saluer, c'est, ils vont te dire que c'est ça. Quand elle faisait cette réunion à la maison, Satan était à l'assemblée, parce que là où deux ou trois sont unis en son nom, Jésus, il est au milieu. Si vous n'êtes pas au nom de Jésus, unis en son nom, qui sera la frère? Vous ne pouvez pas parler, n'est-ce pas? Essayez de faire le plan, vous asseyez à deux, dites que frère, il faut qu'on traite le gars là. Le monsieur viendrait, va vous inspirer bien les bons plans. Il vous dira comment il faut le traiter pour que ça le touche bien. Que ce qu'il t'a fait là, ne le lâche pas. Traite-le bien pour que quand fais ça dur. Tu comprends, non? Quand la femme de Job s'est tenue là-bas en train de dire, dans ce livre de Job, chapitre 1, chapitre 2, il dit, tu, depuis que tu sais Dieu, oh, dans ces choses t'arrivent là, et tu demeures dans ton intégrité. Regardez bien. Tu demeures dans ton intégrité. Et puis il dit quoi, frère? Dieu meurt. Qui en est parlé? Satan. Mais est-ce que Job s'est tenu voir Satan? Le voilà à l'œuvre. Donc entre les deux, il y a quelqu'un là-bas, parce que la circonstance n'est pas au nom du Seigneur. Quand vous, souvenez-vous, quand vous dites que Eto, non, c'est Drapvaille, autre là-bas, le dieu du football vient de se présenter. On va se présenter. Un temps, il t'énerve, il dit, donne-lui un coup de claque. Et les bagarres qui se font souvent au stade là, vous répercutez cela là-bas. Vous voyez, on fait un match de football au point où les policiers sont obligés d'être d'isoler les supporters les uns les autres. Vous les posez, attrapez seulement quelqu'un, vous les mettez, vous dites, tu bagarres contre les ceux qui vraiment pour pourquoi? Franchement, s'ils réfléchissent bien, il n'y a pas de raison. Mais les démons sont en jeu. Mais personne ne peut voir cela. Alors ici, l'apôtre Pierre dit, comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur? Comment? Il a eu accès comment pour entrer chez toi? Comment il a fait pour entrer chez toi? Comment? Il a laissé la faille. Tout simplement. Parce qu'il était là, quand il l'observait, souvenez-vous, l'œil est la lampe du corps. Il voit quelqu'un vendre le champ, 500 000. Il veut déposer tout le 500 000. Le gars dit que merde. Que le gars, j'ai Wanda sur le gars ici dehors. 500 000, non. Cet instant, par ces gestes-là, Satan a su par où passer pour avoir cette personne-ci, la cupidité. L'amour n'était pas vrai, c'était pas sincère. Donc, elle disait au frère que je t'aime, mais il n'était pas à même de mourir pour le frère, de souffrir pour le frère. Et Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami. Mais il disait frère, comme ça, mais il dit, on vend ça 800 000, ça fera, oui. Si les temps sont durs, on fait comment dans la maison-ci? Pierre dérange avec ces histoires de prédication là. On lui donne 300 000. On garde l'autre, parce que c'est fort, on s'en sort. Vous voyez que cette personne qui veut s'en sortir à la maison en, au détriment des autres, c'est pas quelqu'un qui aime ses frères. Mais demain il va venir dire quoi? J'étais mort, mon frère. Mais il garde quelque chose pour lui, au cas où c'est grave, qu'il soit à même de s'en sortir. Donc il peut s'en sortir. Ça veut dire que s'il faut se noyer et qu'il faut livrer quelqu'un pour être en vie, il va te livrer. Cette chose-ci, c'est le filet de Satan. Point, quelqu'un dit, vérifie que ton amour soit vrai. Et pour le Seigneur et pour ton frère. Et pour le Seigneur et pour ton frère. Vous y êtes? Non, c'est ça. Regardez Judas Iscariote. Si vous lisez le livre de Jean au chapitre 12. Si vous lisez Jean au chapitre 12, à partir du verset 1, la Bible déclare qu'il y a une femme qui est venue là, elle a oint de pied du Seigneur le parfum. Vous lisez dans le livre de Luc au chapitre 11 et dans le livre de Jean chapitre 12, on dit que ce parfum-là coûtait 400 nards, donc près de 8 mois de salaire. 8 mois de salaire. 8 mois de salaire, quelqu'un prend une version, ça le gars dit que tchè. Remarquez bien. Mince, ça c'est le gâchis. On devait vendre l'affaire là. Distribuer l'argent au pauvre. Depuis que vous entendez qu'elle a mis la bouche, qu'il a tiré la bouche, elle avait donné quelque chose à quelqu'un. Vous avez un verset qui dit que juste donner l'argent à quelqu'un. On a demandé une fois même que. Trouver de manger à ces gens-ci. Vous avez entendu même sa voix sortir? Non. André et Philippe sont battus là pour dire que non, mais même si on achetait les pains pour 200 deniers, ça ne suffirait pas, pas vrai? Mm-hmm. Lui, il a parlé? Non. Mais la Bible déclare qu'il ne dit pas cela parce qu'il avait en peine de pauvre, mais que possédant la bourse, donc il gardait l'argent du Seigneur. Il faisait quoi, frère? Il volait. Donc, ça veut dire que si cet agent-ci, entre 8 mois de salaire, s'il prend par exemple peut-être la moitié, ça peut investir sur mon champ là-bas. Comme ça, le type, c'est qu'il nous trimballe partout, on ne sait pas où il dort. On peut protéger ses arrières. On a un autre domicile qui est invisible. C'est de l'autre côté. Amen. Quand on sera là-bas, je vous invite à la maison. On va faire une fête spéciale, pas vrai? Amen. On va se réunir là-bas. Vous savez que dans le jardin qui est là-bas, il y a du bon vin, non, frère? Amen. On va boire du vin, veut dire, frère, enfin nous sommes arrivés. Enfin nous sommes arrivés. Et quand on sera dans cette autre maison, vous allez voir que sur la terre maintenant, il y a des rois qui sont dans des corps mais qui ne gouvernent pas au lieu des rois de la terre. Tu es donc roi, je le suis. Je suis venu dans le monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il est le roi des rois, le roi des rois de la terre, le roi des rois. N'est-ce pas, mes frères? Vous me comprenez, n'est-ce pas? Amen. Vous comprenez? Il est né roi. Mais il n'est pas allé, il est venu sur la terre. Les gars rentrent là, les gars achètent des couteaux, disent, mais. Puis là, on va le tuer, on va prendre le royaume. Ce n'est pas de ça dont il est question. Il est venu sur la terre. Vous avez vu, régné quelque part? Non. C'était le roi des pauvres. Il monte aussi les montagnes. Bavarde, il passe ton temps à m'arracher. Mais son royaume est au-delà de ce qu'on peut penser. Ne ratons pas ce qui en est arrivé, d'accord, frère? Amen. Job chapitre 11. Prenons le verset 13 au verset 19. Enfin, verset 19. Vous avez noté Lamentations. Vous avez noté Lamentations chapitre 2 aujourd'hui, n'est-ce pas? Je vous ai dit Lamentations chapitre 2, verset 16 à 20. Job chapitre 22 également, n'est-ce pas? Mm-hmm. Mais dans ce Job chapitre 22. Je vous note, encadrez le verset 22. Mais notez maintenant le verset 21 à 30. Mais le verset 22, on va s'y intéresser. Je vous ai dit tout à l'heure de noter Job chapitre 22, verset 22. Non, notez le verset 21 à 30. Mais le verset 22, on va s'y attarder. Lorsqu'on va finir, écoutez, je chante une phase. Parce que je vous avais dit dans un des enseignements, dans cette chose-ci, lorsqu'on va finir, j'ai fait la brèche ici sur comment la fixation de ses pensées pour produire ce que ton corps, pour que ton âme puisse être produit, excité à cette parole-ci, n'est-ce pas? Et j'ai dit à quelqu'un ici, c'est que, vous voyez comment la personne a réagi. Quand tu dis quelque chose de mauvais à quelqu'un, tu prophétises, la personne dit, Mais quand tu dis que, frère, ce que tu attendais arrive, tu entends amen jusqu'à ce que même les voisins peuvent sortir. Or, ces choses, cet état de fait, c'est ce que la parole doit produire. Amen. C'est ce que ça doit produire. Ça ne produit pas. Vous êtes sec. Vous avez des problèmes avec la parole de Dieu. D'accord? Qu'est-ce qui peut bien faire animer le psalmiste au point où vous savez comment le sommeil est bon entre 3h30, 4h et 5h, non? Surtout quand il pleut même. Et vous entendez la pluie. Vous voyez comment c'est bon. Mais il dit, je dévance l'éveil de la nuit. Je dévance l'aurore pour méditer ton statut. C'est-à-dire que ce que ceci produit est au-delà même des sensations que peut donner le sommeil. N'est-ce pas? Je viens avec la rosée du matin, on arrive. Ce sont des rosées. Pourquoi il faut se lever très tôt? Pourquoi? Souvenez-vous, lorsque la manne était distillée du ciel, la manne ne venait pas d'un homme. Vous tournez, vous allez là-bas, c'était disponible. Il fallait seulement aller chercher. Mais il y avait une condition, il faut aller avant que le soleil ne se lève. Il faut aller avant que le soleil... Tu es là, mais tu dis, mais même si mon voisin prend, il va prendre. Quand il prend sa part, on avait dit que chacun prend sa quantité. Donc, si tu comptes sur quelqu'un, sur la rosée de quelqu'un, pointe quelqu'un. Dis, nous dormons, nous avons 24 heures. N'exploite pas mon heure. Si tu dors, dors. Je me lève pour posséder. J'arrive. Rappelez-moi seulement, si il vient, vous dites, enseigner sur telle chose, on y va pour que vous voyez ces bonnes choses-là. Remarquez, le Seigneur Jésus, la Bible déclare qu'après avoir enseigné le peuple, il se retirait dans le désert, dans le désert. Il demeurait toute la nuit prier Dieu et le matin, les gens venaient à lui. Pas vrai? C'est ça dont il est question. Qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi est parti-il dans le lieu désert? Si on finit, dès qu'on va finir ici, comme ça tout à l'heure, là, 21h, 22h, première réaction, les derniers messages de WhatsApp, c'est quoi? Kamto. Quand Toto est fini maintenant, c'est Kamto. Attendez seulement, la détresse arrive. Vous tournez. Quand le pays, c'est... Non, ma femme a dit qu'il ne me parle plus, il ne me parle même plus rien. Job chapitre 11, donc. Verset 13, regardez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. La rosée. Vous savez ce qui est arrivé un de ces jours? Un jour, ma femme... Dans la nuit, quand tout le monde dort, c'est là où je travaille jusqu'à 2h et puis je me réveille vers 4h, je suis en train de lire. Ma femme a observé ça, un jour, j'observe, et la voit avec les yeux, elle a ouvert les yeux, mais elle était comme ça là. Il fait comme si elle n'avait pas vu, elle continue à travailler. Un jour, elle a commencé à m'imiter. Vous savez ce qui se passe? Après, elle me dit, mince. Il dit, c'est quoi? Elle dit, il ne savait pas que c'était sucré comme ça. Il dit, qu'est-ce qui est sucré? Il dit, que je comprends pourquoi tu aimes ces heures-ci. Allez goûter à ces heures-là, vous allez me dire. Ce que vous lisez, vous pouvez, comme on a dit, lire là, c'est une chose. Quand vous allez lire, pendant qu'il fait une chose, vous lisez avec les bruits, c'est une chose. ce matin, quand vous entendez les petits criquets faire là, levez-vous avant le soleil, avant que le vrombissement du monde ne commence. Quand vous êtes fatigué, là, vous êtes, l'esprit est posé. Allez dans la parole, dans la prière. Vous allez en sortir. Demeurez ici 2, 3, 4 jours, vous allez voir la différence. Que en fait, la manne continue à tomber du ciel. Je vous pose la question. Lorsqu'il avait mis dans l'arche le bâton d'Aaron qui avait fleuri, il avait dit qu'on prend quoi, frère? On prend quoi? Un peu de manne. Un peu de manne. Bon. Donc dans l'arche se trouvaient les deux tables de témoignage, c'est ça? Le bâton d'Aaron qui avait fleuri, c'est ça? La manne. C'est quelque chose que lorsque 6 heures arrivaient, ça disparaissait. Mais quand on a mis dans l'arche, c'était là. Ah, je me sens bien là maintenant. Allez-y seulement, vous allez voir. Il y a une manne cachée dans la parole. Cette manne-là, le soleil, même si je ne parle pas, attendez, attendez seulement. Job chapitre 11, verset 13. Il me sent bien là maintenant. Si je vais commencer à prêcher, vous allez me dire que votre mari va vous fermer dehors. Pour toi, écoutez, dirige ton cœur vers Dieu. Souligne cela. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Nous abordons l'autre partie de la solution contre les mauvaises pensées. Parce que nous avons convenu que c'est nos cœurs qui posent problème. Or, quand vous restez tranquille, que vous l'admettez ou pas, que vous le voulez ou pas, votre cœur entre en contact avec des événements que vous ne vouliez même pas. Les pensées commencent à passer, traverser au-devant de vous. Vous voyez seulement quelqu'un comme ça là. Vous pouvez rester, même ici en assemblée, j'en ai parlé comme ça là. Quelqu'un entre là, vous entendez? Pendant que j'en ai parlé ici, j'en ai parlé là. Quelqu'un ouvre la porte, l'autre entre. Dans le cœur, les contestations commencent. C'est sidérant, un pas sa voix, c'est ça le cœur. Quelqu'un est tranquille. Si on pouvait mettre le baf sur son cœur, elle entend dans le microphone, dans le on met le microphone là-bas, on entend ce que son cœur en train de dire de cette personne qui est passée. Regarde comme ça. Vous savez, comme il y a des femmes qui marchent comme ça, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois. Et puis quelqu'un, son cœur en train de dire, ah, c'est quelle mauvaise façon de marcher comme ça. Ça, c'est dans le cœur. Mais sa bouche ne parle pas. En même temps, ses yeux sont en train de suivre comme ça, tu vois, tu vois, tu vois. Après, il y a de la personne. En fait, c'est pour dire. Elle ne peut pas savoir qu'elle est au milieu des gens. Il y a plusieurs façons de ces choses. Vous voyez, n'est-ce pas? Pour d'autres encore, c'est pa, des bruits. Maintenant, ces choses se passent sur le cœur. Pourtant, on est en train de parler de la parole, pas vrai? Vous voyez que votre cœur vous a dirigé à un niveau où, avant qu'une personne n'entre, vous n'y pensez pas. Vous êtes seulement retrouvé là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre son cœur au rythme de la parole. Ce qui est parlé de l'ABC, de la méditation, on va y arriver. Il faut apprendre au cœur l'ABC du ciel, le langage de Dieu. Il faut lui apprendre. Il y a l'ABC de la Bible ici, du cœur ici. Le cœur doit être entretenu. Si vous ne l'entretenez pas, quelque chose doit l'entretenir parce que le cœur est fait pour ne pas rester neutre. Vous avez noté Jérémie, n'est-ce pas? Vous avez noté Jérémie. Amen. Notez le chapitre 13, chapitre 15 et chapitre 16. Je vais vous donner les versets, mais on va y arriver. J'ai tenté de parler de l'université neutre là. Jérémie, merci Père. Il me semble vraiment bien. Oui, quand on est dans le jeûne, même l'atmosphère change. Chapitre 13, chapitre 15 et chapitre 16. Et donc, vous voyez, pendant ces jeûnes, c'est même des guérisons vont au fond s'opérer. Même des guérisons. On va y revenir là-dessus. Il dit Jérémie, chapitre 13, j'arrive là maintenant. Le cœur ne peut pas rester neutre. Le cœur ne peut pas rester neutre. Regardez le psalmiste. Je vous ai donné le psaume 27. Le verset 14, puis le verset 7 à 9, n'est-ce pas? Il dit, mon cœur dit de ta part quoi? Ok. Allons-y doucement. Qui en est de parler par exemple? Qui parle dans ce psaume 27? Le roi David parle. Ok. Il parle à son âme. Il parle à son âme. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous renseigne sur ce qu'il en est de parler? Il dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Puis il dit, je cherche ta face, ô éternel. Vous voyez que deux personnes sont en train de parler, pas vrai? C'est lui qui nous renseigne qu'il reste tranquille comme ça. Son cœur dit que cherche la face de Dieu. Et mais il dit que c'est son cœur qui dit. Donc, son cœur était habitué au rythme de prière, comme on a lu ici dans le livre, dans un des enseignements, dans le livre des Cantiques, chapitre 3, verset 5. On a lu ça, n'est-ce pas? C'est là, il dit qu'il attendait son bien-aimé, son époux, son fiancé, mais son cœur quoi? Veillait. Donc, pendant qu'il dormait, son cœur veillait. C'est pour ça que la Bible déclare que soit que nous dormons, soit que nous veillons, soit que nous veillons, nous allons nous réveiller là-bas exactement. Quand vous dormez, sur la terre, il y a les zones de nuit, l'autre, la zone de jour. Si l'enlèvement vient, que vous êtes dans le. En tout cas, quand l'enlèvement va venir, c'est une partie de la terre, sera toujours comme ça. Donc, il y a des gens qui seront dans le lit en train de dormir. Mais n'avez pas posé la question, comment vous allez savoir que la mort, c'est le moment? Vous voyez? Quand ce sera l'enlèvement, quand il va dire monter, quand il va se tenir là-bas pointé sur les trucs là, que les nuages vont venir pour, sur les maisons, sur les personnes dont il est correspondant pour les faire monter. Et on est en train de dormir, comment on va faire pour monter d'après les Saintes Écritures? Vous voyez? Il a dit, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Pas vrai? Amen. Montez, et puis tu te lèves là, tu montes. Pourtant, tu es en train de dormir. Parce qu'il a dit effectivement que cette femme-ci dormait, mais son cœur veillait. Frère, on a travaillé. On a dit travail. Arrache ton mira, arrache, tu fais comme ça, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On a du travail. On a du travail. Le cœur doit être à même d'être en communion avec le Seigneur, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'endroit. Si le cœur est encadré dans ce sens-là, vous allez rester dans le taxi, dans les transports en commun. Les gens font des bêtises, ça ne vous dit absolument rien. Parce que vous serez plongé dans la méditation. Donc, souvenez-vous de cela. On va prendre du temps ici pour plonger dans cet enseignement, c'est pour que le cœur soit bien affermi, d'accord? Amen. Mais au préalable, il fallait dégager les responsabilités. On a vu clairement que les sources de nos problèmes, c'est les mauvaises pensées. On a identifié. Maintenant, nous sommes dans les voies de sortie des solutions. Comment on résout le problème? Oui, c'est les mauvaises pensées. Comment on résout? Nous avons commencé par dire, effectivement, qu'il faut regarder le tal de l'idolâtrie. Il faut que chacun regarde le mal. Toutes ces choses-là, examiner. On a vu cela dans toutes les parties, pas vrai? On a fait la brèche pour montrer, effectivement, que si vous lisez la parole, si ça ne fait pas quoi que ce soit sur votre. Vous avez des problèmes, il y a des façons de résoudre. Ce soir, nous allons toucher encore notre volet. Maintenant, faire parler le cœur. D'accord, frère? Il faut que le cœur parle. Il faut que le cœur parle. En fait, c'est ce que le prophète dit ici. Il dit quoi? Dirige quoi? Dirige ton cœur. Bon, maintenant, montre-moi votre cœur. Bon, chacun montre son cœur alors. Est-ce qu'on voit le cœur? Le frère, comme ça là. Le frère, là, c'est comme ça. Donc, c'est ça là-bas. Dis ça alors, le Dieu. Dis-le alors, le Dieu. Comme ça. Eh, mon frère. Donc, c'est le cœur spirituel alors. Donc, spirituel, comment on fait donc? Ouais, ça, c'est le verset biblique que nous avons lu. Mm-hmm. Maintenant, l'explication de ce que ça veut dire et la pratique. Donc, nous voyons, nous sommes de passer de la base pratique de ces choses-ci. Ok. Dirige ton cœur vers Dieu. Oui, tu soulignes. Ok, pratiquement. C'est quoi ce cœur dont tu parles? Nous savons que le cœur, c'est le cœur. Mm-hmm. Comment donc diriger son cœur vers Dieu? Puisqu'on te demande de diriger vers Dieu. Il a dit dans Proverbe chapitre 4, verset 23, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu fais comme ça, frère? Non. Frère, cache mon cœur. C'est comme ça, frère? Non. Vous faites comme ça, là. Ah, regarde comme ça. Regarde bien. Quand il fait ça, comme la tête de papa saut. C'est à l'intérieur comme ça. Qu'est-ce que tu as gardé dans ton cœur, frère? Hein? Quand vous faites comme ça, vous faites quoi? Supposons qu'un bandit entre ici. Vous dites, bandit entre, il passe caché là-bas. Ou bien, quand vous poursuivez, si on ne le sait pas, le sait pas entre. Il est dans la maison. Quand le sait pas dans la maison, vous pouvez vous dormir, frère. Non. Si le sait pas dans la maison, si un sait pas entre ici, on essaie de tuer, on ne peut même pas tuer. Le sait pas disparaît. Vous allez fermer les yeux. Non. Ça se trouve à l'intérieur. Parce que c'est que l'ennemi a à l'intérieur. Tant qu'il n'est pas, en tout cas, même quand il meurt, il y a la psychose de cela. Pas vrai? Donc, ça veut dire que quand le sait pas est dedans, vous avez déjà des problèmes. Maintenant, supposons que le sait pas entre, vous fermez la porte. Vous avez fermé la porte, vous êtes où, frère? Vous allez l'intérieur avec l'ennemi, avec l'ennemi. Il faut le balayer. Il faut le mettre hors d'état de nuit. On ne peut pas fermer la porte en disant que non, je me protège. Fermer la porte, on dit que non, le démon. Hey, frère, il y a danger, il y a démon. Si le démon veut te frapper ici, là, ou bien le bandit veut te frapper, c'est la porte que tu as fermée là qui va te créer le problème. Il faut ouvrir pour sortir, pas vrai? Alors, donc, ça veut dire que vous pouvez fermer la porte, vous fermez, vous êtes même dans le problème avec la porte que vous avez fermée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre ces choses-ci. Job chapitre 11, verset 13. Dirige ton cœur vers Dieu. Nous allons lire jusqu'au verset 30. Donc, il dit, dirige ton cœur vers Dieu. Okay. Comment donc diriger son cœur vers Dieu? Il va falloir qu'on apprenne son cœur à parler. Lorsqu'on va finir, on va aller, après avoir lu tout ce que les prophètes ont dit ici, on va aller dans la Sainte Testament, dans le Nouveau Testament maintenant. C'est ahurissant de voir ces choses dans les Saintes Écritures. Ahurissant. De voir comment les gens lisaient les Écritures. Nous avons les écrits maintenant qui sont divisés en noms, chapitres, versets. Vous pouvez dire ceci. Quand vous voyez la façon dont les Saintes Écritures sont citées par les apôtres, par le Seigneur, vous voyez qu'il ne cite pas avec les versets. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. car on enseigne cela chaque sabbat Moïse, on le lit, on l'enseigne dans Moïse, dans chaque sabbat. Quand il dit Moïse, c'est de quoi? Quand il parle, il donne la référence. Avant que vous allez dans Deutéronome, vous voyez qu'on parlait de cela dedans. Il n'avait pas Deutéronome chapitre 4, verset ceci. C'est nous qui avons séquencé ça pour essayer de percevoir. Et voilà, jusque là, ça nous perturbe. Vous voyez? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment donc diriger effectivement, de façon pratique, son cœur vers Dieu? Maintenant, regardez. Dans le livre de Joshua, dans le livre de Josué chapitre 1, que ce livre de la loi, vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement, c'est un autre volet, c'est un autre travail. Pour agir, c'est un autre travail. Parce que tu ne lis pas pour agir là, là, là. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous méditez la parole, ça prend vie en vous. Votre vie doit aller dans le même sens que ce que je vous ai donné de lire. Amen. Parce que dans ce que vous allez découvrir dans la Bible, il y a des différentes phases de la vie pratique. Et donc, la Bible va vous entraîner, enfin, à la fois, la Bible à Satan, ou mieux, l'auteur de la Bible s'attend à ce que vous allez dans le sens que la Bible a dit par rapport à votre vie. Amen. Vous suivez, n'est-ce pas? Amen. Que ce livre de la loi soit un point de ta bouche. Ça, c'est un état. Dans cet état, si on est de travailler dans un état, cet état, c'est dit que ce livre de la loi ne soit un point de ta bouche. J'espère que je ne vais pas vite. Pas vrai? Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Mm-hmm. Que ce livre de la loi ne soit un point de ta bouche. Rappelez-vous, ce n'est pas de tes yeux. Rappelez-vous bien, parce qu'on arrive là maintenant. Souvenez-vous de ceci, je le dis encore. Il n'est pas dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. C'est une chose. De ta bouche. Médite-le. C'est un autre volet. Médite-le jour et nuit. Nous allons venir en plein. Je crois que j'en ai parlé ici de la méditation en Allemagne. Médite-le jour et nuit. Troisième volet. Pour agir fidèlement. Selon certaines choses qui sont écrites. Tout ce qui est écrit. On avait vu ici, c'est laissé gouverner par la parole. C'est ici qu'on a vu cela. Je ne sais pas comment on va faire l'homme. Faisons un bon usage. Amen. C'est alors que tu auras Dieu. Non mais les églises, c'est pas cela. Dieu t'aime. Tu réussiras au nom de Jésus. Que celui de la loi ne soit point de ta bouche. On s'en fiche de cela. Médite le jour et nuit. On s'en fiche de cela. Pour agir fidèlement. Fidèlement. Gardez mon mot. Fidèlement. Donc avec soin. Avec munici. Fidèlement, selon tout ce qu'on s'en fiche, c'est que tu dois être béni. By fire, by force. Donc, vous voyez que c'est un processus, n'est-ce pas? En tout cas, nous allons découvrir dans presque tous les versets que nous allons, ce processus-ci, nous allons découvrir dans tous les passages que les prophètes en ont parlé ici. Et donc, il dit, dirige ton cœur vers Dieu. Il y a une conséquence. Maintenant, la question que je pose, c'est comment donc, de façon pratique, diriger son cœur donc vers Dieu? Donc, alors, regardez, focalise-toi sur le Seigneur. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Focalise votre attention. J'en ai parlé lorsqu'il parlait de la brèche, là, lorsqu'il parlait de l'attention de notre esprit. Regardez, focalisez votre attention sur le Seigneur. Vous allez vous mettre à genoux, vous voulez prier. On a déjà fait ça parce ici, lorsque nous voyons la prière fervente du juste, vous allez dans votre chambre ou n'importe où, vous mettez à genoux. Vous mettez à genoux. Subitement. Là, vous êtes censé rencontrer Dieu dans une situation que vous voulez lui poser. Puis subitement, vous entendez chez le voisin. Ça, c'est... Vous parlez de Satan. Satan les baffle. Vous entendez subitement chez le voisin. Le voisin de discuter. Qui avait mis le seau là dehors? C'était le seau de qui? Voilà l'attention. Tu es dans la discussion jusqu'à ce que tu es dans la discussion plus que les gens qui sont dans les propres discussions. Tu es là, tu es guidé. Tu es dirigé. Dirigé dans la conversation. Dans la conversation. Frère, tu es dans la prière. Quand tu finis là-bas, un temps tu es dans une réunion, un autre temps tu es peut-être à l'oum, un autre temps tu reviens sur le mariage de telle personne qui avait fait telle chose. Tu te vois, un temps tu souris même dans ces moments, tu souris. Que le gars se me prend pour un con. Hein. Donc il a pris mon argent, quoi qu'il a pris mon argent. Tu es dans la chambre pour prier ou pour parler de l'argent avec le gars qui t'a. Je ne sais pas si vous comprenez. Remarquez bien, nous rions, mais je suis obligé de peindre le tableau pour que vous compreniez là où le problème se trouve. Le problème se trouve, c'est que avant d'aller dans la chambre, il n'était pas question d'écouter la conversation de quelqu'un. Avant d'aller dans la chambre, il n'était pas question de penser à de l'argent, ni de voir le mariage, ni de penser quand tu étais belle ou quelqu'un. Peut-être quelqu'un t'a dit que tu es belle ou tu es beau, waouh, ça revient là-bas. Il n'est pas question de cela. Là, il est question d'aller devant le Seigneur, pas vrai? Parce que la Bible déclare que c'est dans tous vos besoins, faites-les connaître à Dieu. Et tu te trouves là-bas, maintenant, subitement, ça commence à venir dans tous les sens. Et te vois-tu dirigé là-bas. Le problème, c'est que tu ne sais pas effectivement que tu as été canalisé dans cette direction. Il y a des êtres là-bas qui ont intérêt à ce que tu n'aies pas accès à l'autre rideau. Voici le point qu'on doit comprendre. Il y a des êtres qui travaille à ce que qu'on ne soit pas à même de rencontrer l'autre Dieu, que le Dieu se coupe pour que nous entrions dans le lieu du sanctuaire. Parce que dans le lieu du sanctuaire se trouve la révélation. Derrière la méditation se cache la révélation. La révélation de qui tu es, qui tu seras, pourquoi tes choses se passent dans ta vie. Derrière la méditation s'y trouve. Derrière la méditation se trouve exactement ce que je veux pour toi maintenant. Le lendemain, derrière la méditation. Si tu lis la Bible, je lui ai lu la Bible trois fois. C'est pas cela. Il n'a pas dit de lire la Bible cinq fois par an. Il n'a pas dit de lire un livre. Il n'y a pas un verset, un commandement qu'on dit qu'on lit la Bible par une année. Ça, c'est les catholiques qui nous ont légué cela. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Point sur une année, frère. Non. Alors, lorsqu'on se trouve donc là-bas, écoutez bien encore, verset 13 du chapitre 11 de Job, dirige ton cœur vers Dieu. Donc, tu es là pour que. Qu'est-ce qui se passe, frère? On en est dans un carnaval. C'est dans une connexion bien déterminée. Porte l'attention chez Dieu. Maintenant, nous nous trouvons donc dans la chambre, dans n'importe quel endroit, et que les prières commencent, enfin, les directions de tout vont dans tous les sens. Vous devrez garder à l'esprit que vous êtes là pour la prière. C'est un peu comme vous avez dans une voiture qui est en train d'aller dans toutes les directions. Vous avez le volant. Il va falloir que vous maintenez ce volant-là en droite ligne. Alors, quand ça vous amène dans cette direction, c'est revenez vers Dieu. Revenez vers Dieu. C'est pour cela qu'il faut apprendre le langage. Si tu n'apprends pas le langage, va faire comme ça. Un temps, tu vas faire comme ça. Tu te souviens, souvenez-vous, te souviens. C'est à moi qu'on avait lancé la fleur le jour là, j'avais attrapé. Il y avait un prophète qui avait prophétisé qu'il devait m'arrêter, c'est mon année. J'arrache que c'est mon année aujourd'hui. Mais tu sais pas ça que tu es censé faire. Un temps, tu te souviens. Bon, le gars m'avait vraiment frappé, il m'avait menti. Si tu es seul, frère, mais tu es en train de parler de bêtises, ça doit s'arrêter. Pointe quelqu'un, dit ça doit s'arrêter. Et qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la solution? Donc, il faut diriger dans son cœur de Dieu. Vers Dieu. Vers Dieu. Donc, on doit être à même. D'après ce qu'il écrit dans ces versets, on doit être à même à connaître. Parce que c'est à nous qu'on demande de diriger. Je ne peux pas venir prendre ton cœur pour le donner à Dieu. Quand il a dit, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il ne m'a pas donné de venir garder ton cœur. Chacun doit garder son cœur. Mon fils, garde ton cœur. Ça veut dire préserve. Préserver de quoi? Quand il dit plus que toute autre chose, il vient de dire, le Seigneur vient de nous révéler par ces Proverbes chapitre 4, verset 23, que le lieu par excellence où Satan frappe, c'est pas le cœur. C'est pas ça, frère. Mais celui qui écoute la bonne nouvelle du royaume, il ne la comprend pas. Le diable vient et enlève ce qui a été semé. Parce que si la parole qui est à l'intérieur, ça produit du fruit, c'est son royaume qui est en danger. Il a un intérêt que ça ne produise pas, que ça ne demeure pas en toi. Vous me suivez, frère? D'où donc ces multiples distractions qu'il fait. Et maintenant, souvenez-vous de ceci. Quand vous perdez le temps à ne pas lire la parole, lui ne perd pas le temps à s'aimer en vous. Le cœur, gardez-vous à l'esprit que le cœur ne peut pas rester neutre. Quand vous perdez le temps à ne pas méditer la parole, lui, l'ennemi, ne perd pas le temps à s'aimer en vous. Alors, il est obligé de s'aimer rapidement parce que c'est que le jour où tu vas méditer, il aura des problèmes. Par conséquent, il faut qu'il s'aime en premier. Remarquez bien dans le livre de Genèse, chapitre 1. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vive. Et l'Esprit de Dieu, quoi, se mouvait sur la terre. Subitement, on commence à nous dire que les ténèbres faisaient quoi faire? Les ténèbres faisaient quoi? Les ténèbres? Mauvais. Eh ben. Vous remarquez très bien que les ténèbres ont gouverné sur la terre avant que la lumière ne vienne. Vous remarquez cela? Donc il fait tout et tout pour être sur le terrain d'abord. Tout et tout. Il est d'abord sur le terrain. Alors, si vous perdez le temps à méditer la parole, sachez que le temps perdu, c'est le temps que l'ennemi a semé. Donc quand vous allez venir, vous aurez double travail. Vous débarrassez de ce que l'ennemi a semé avant de commencer la méditation. Donc, que tu le veux ou pas, tu dois devoir méditer. Donc, plus de temps perdu, c'est plus de la semence et de l'affermissement de l'ennemi. Et comme nous allons voir le prophète dire maintenant, que le cœur doit être affermi. On affermit quoi, frère? Affermi, ça veut dire quoi? Fortifié, solidifié. On ne peut pas solidifier quelque chose qu'on n'a pas mis dès l'initial. Il faut avoir quelque chose dès le départ pour fortifier. La Bible déclare qu'il parcourait dans celui d'Actes des Apôtres chapitre 14, les apôtres marchaient pour fortifier l'esprit des disciples et leur disaient que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il faut qu'on possède le royaume. Ils fortifiaient, ils affermissaient les disciples. Parce que le Seigneur avait dit, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ils sont d'abord les frères, on peut les affermir. Mais si tu n'es pas frère, on va affermir quelqu'un qui n'est pas votre frère. Non. Donc vous voyez effectivement quand la Bible déclare que affermissez vos cœurs. Affermissez vos cœurs, ça veut dire que quelque chose qui est fondamentalement là, il faut qu'on continue à le fortifier. Il faut que le cœur soit quoi? Affermi par la grâce et non par la nourriture. Vous avez lu ça dans les Saintes Écritures, frère? Amen. Mais le cœur donc a un problème. Le cœur, donc, c'est la cible. C'est le moteur principal. Si on enlève le moteur sur la voiture, ça va rouler, frère. Non. Voilà. Alors maintenant, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose parce que c'est lui. Donc, ça dit que la chose à suivre le plus sur la terre, c'est le cœur. La question, c'est pourquoi? Parce que le Seigneur, s'il dit cela, remarquez bien dans le livre de Genèse chapitre 2. Quand la Bible déclare qu'il planta en Orient un jardin d'Éden et il demanda à l'homme de le cultiver et de le garder. Comment garder un jardin s'il n'y a pas d'ennemi? Par cette parole, Dieu informe que le jardin est en danger. Il y a un ennemi. Mais il ne nous dit pas que garde ça parce qu'il y a un danger. Parce qu'on garde, garder, ça veut dire qu'on protège. Si vous voulez protéger, vous protégez quelque chose. S'il n'y a pas de bandit, il n'y a plus de bandit sur la terre. Vous pouvez dormir avec votre porte comme ça. Mais les gens sont obligés de faire deux portes. Regardez Maman Véro ce qu'elle a fait. Vous toquez là-bas, François. Il y a même d'autres qui font le lieu de bœuf. Ils te bloquent d'abord. Ils guettent d'abord comme ça dans le mur. C'est qui? Il ne peut pas sortir. On ne peut pas sortir. Mets tes nez ici que je vois que c'est toi. Pourquoi, frère? Parce que personne n'est en sécurité. Par conséquent, il faut qu'ils prennent des mesures de sécurité. Des mesures de sécurité pour se protéger. S'il n'y avait pas de banditisme, il n'y avait pas de criminalité, on ne ferait pas ceci. Sans que quelqu'un ne toquerait pas, elle ouvrirait la porte. N'est-ce pas, mon frère? Si je toque là-bas à un moment donné, elle va rester ici. Elle dit qu'elle n'ouvre pas parce qu'elle ne sait pas qui est qui. Pas vrai, frère? Mais Dieu dit, la Bible déclare qu'il planta à l'Orient un jardin d'Éden et il mit l'homme pour y cultiver et pour le garder, le protéger. Mais Dieu ne dit pas, il n'appelle pas Satan en œuvre. Mais donc, quand je ne prends ces choses pour dire, Dieu dit quelque chose pour indiquer automatiquement l'ennemi. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, quand il dit, mon fils, garde ton cœur plus que toutes les choses. S'il n'y avait rien qui avait un problème, Dieu ne dirait pas de garder. Donc, il y a un ennemi qui est la source des choses qui vont tenter des vérités en direction de notre cœur. Et donc, Dieu dit, il veut dire, garde ton cœur de cet ennemi. Parce qu'il y a des subtilités, des façons qui font entrer des choses en nous. Remarquez bien comment, au fil des temps, il doit envoyer les disciples, les apôtres, pour pouvoir frapper sur ce cœur-là, pour que le cœur soit préparé pour le Seigneur. Le cœur était d'en haut. Le cœur avait été dissipé partout. Dans toutes les directions, il servait autre Dieu. Comment ça s'est passé? Satan les a trompés. Pas vrai, mes frères? Alors, diriger son cœur donc vers le Seigneur consiste à méditer dans la direction du Seigneur chaque fois. Amener son cœur vers la parole. Amener son cœur vers la parole. Le focus. L'objet de notre adoration. Remarquez bien. Portant les regards sur Christ, sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Donc, si vous êtes dans la prière et que les choses vont de gauche à droite, vous devez être à même de le revenir, de le faire ramener. Vous devez commencer à l'exercice. Quand vous allez commencer ça, 1, 2, 3, 4 fois, ça peut prendre une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois pour l'autre. Sachant que, vous savez, quand on regarde le cadre d'Afrique, plus vous allez vers le nord, plus c'est désertique. Donc, si vous êtes éloigné de la parole longtemps, sachez que votre désert, là, comme on a vu ici, là, vous devez prendre beaucoup de temps pour travailler dans cette direction. Vous voyez que ces choses, c'est que le christianisme, on a menti les gens que non, c'est du quoi, non, ça va, peut-être que tout va bien. Hey! C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Si vous voulez être disciple du Seigneur, vous devez mourir à vous-même. Amen. Écoutez bien, mourir à vous-même. Ça, c'est la lecture, ça. Mourir à moi-même. Oui, mourir à moi-même. C'est-à-dire quoi? Il doit humain? Non. C'est une parabole, frère. Ok, c'est une parabole. Ok, c'est une parabole. Ça veut donc dire quoi? Ça dit que tu ne dois pas exister, pas vrai? Ça dit que c'est lui qui doit être là, n'est-ce pas? Amen. Ok. Enfin, il dit qu'on se dit que moi, je vais devenir avocat. Qu'est-ce que vous en dites? Tu es mort à toi-même, frère? Non. Quand quelqu'un est mort à lui-même, il dit que Seigneur, pas ma volonté, mais cette personne-ci est morte. Vous voyez cela? Cette personne-ci est morte. J'ai le désir, j'ai eu de vivre des yeux, pas une, deux fois, trois fois, pour venir vers vous, mais Satan m'en a empêché. Vous avez entendu quelqu'un dire ça? Amen. Si telle est la volonté, je souhaite aller en Espagne pour y passer l'hiver. Je passerai chez vous si telle est la volonté de Dieu. Vous avez entendu quelqu'un dire cela? Amen. C'est lui qui pourrait dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Amen. Donc il va dans la direction où le pousse le Saint-Esprit. Dans tous les vœux où je passe, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Ça s'attend là-bas. Vous voyez cela, n'est-ce pas, frère? Il est mort pour lui-même. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Quel verset de Bible. Colle ça sur la voiture. Quand ça va cogner même le verset là. C'est pas ça, c'est pas comme ça. Si la parole donc habite en nous, je crois qu'il va falloir que nous voyons ces choses, ces sources-ci. Il faut qu'on touche la source. Qu'on parte à l'eau, qu'on boive la source. À la source profonde là. Ah, ces paroles-ci, ces choses-ci. Vous lisez ça et que ça quitte, ça entre, ça ne peut pas vous laisser indifférent. Je vous le dis. Ça ne peut pas vous laisser indifférent. Il faut que ça pénètre. Quand ça pénètre dans votre âme, comme mon grand frère l'a dit là, et j'ai recueilli ta parole, je l'ai dévoré. C'est devenu quoi en moi, frère? Un feu. À l'intérieur, donc, dès que ça entre à l'intérieur et que ça agrippe sur votre esprit, dirigez son cœur vers le Seigneur. Gardez-vous encore l'esprit. Le nombre de temps, plus vous perdez le temps à ne pas aller rapidement dans la direction de la méditation. L'ennemi, regardez, et si vous levez le matin, vous lavez, vous brossez les dents, pas vrai? Accompagne les enfants à l'école, chercher les déjeuners, aller vendre des trucs au marché. Vous pensez que les démons passent à jeûner, fait quoi? Réfléchissons-y un instant. Ils ont le marché, ils ne veulent pas te faire. Si pas au marché, là, c'est pas aller accomplir, c'est qu'une femme est venue chez eux tisser pour attirer le client. Il sera en route pour dire que tu vas acheter quoi? Tu dis, toi qui sors de la maison sans prier, tu vas acheter quoi? Il dit, va chez la femme là. Va chez maman Mani. Tu viens. Parce que les démons sont sortis à amener, lui amener les clients. Elle pense que c'est le remède qu'elle a mis sur son truc qu'il a amené. Mais toi, le démon t'a commandé. Oh frère, on a des problèmes. On a des problèmes. Alors, l'ennemi, eux, n'ils dorment pas. Parce qu'ils ne peuvent pas dormir. Alors, je pose la question. Depuis des millénaires qui sont sur la terre, ils font quoi? Ils ont des projets de société. Projets de société. Dans chaque pays, ils ont fait des projets. Vous savez ça, n'est-ce pas? Réussite à l'horizon, quoi, 2035. N'allez pas dire ce qu'il n'y a pas dire. Quand vous commencez à regarder comme ça, vous êtes trop fort. Ils ont des projets de société. Parce que les cités que vous voyez là sont des projets. Des projets. On dit qu'on va construire des grattes quoi, frère? Gratter. Gratter quoi, frère? Donc, on va titiller qui? Dieu. Non, pas ça. Titiller le ciel. Titiller. Pour faire quoi? Pour dire, est-ce que tu peux encore faire ce que tu as fait dans le livre de Genèse chapitre 11? Pas vrai? Mm-hmm. Babylone. On a des problèmes, je vous dis, on a des problèmes. L'ennemi ne dort pas. Donc quand tu dors, tu dis, demain je vais faire. Demain tu accumules tâche après tâche. Sachez que vous montez, vous descendez. Là où vous avez abandonné Dieu, c'est là où vous allez commencer. Vous ne pouvez pas, il n'y a pas de raccourci. Vous allez dire, non, je suivrai rapidement. Non. Regardez, vous faites 8 ans. Maintenant nous sommes en 2019. Vous oubliez ce cible, non. Vous dites, on dit, commencez la méditation, ne commencez pas. Il faut qu'on commence à travers le cœur. Vous dites, non, je vais renvoyer. C'est une bonne prédication que le frère Junior prêche. Je ne suis pas en train de vouloir vous prêcher une bonne prédication. Je veux que nous allions à ce niveau-là. Amen. D'accord? Alors vous dites, ça, c'est une bonne prédication. Vous ne vous mettez pas à l'œuvre. Mais celui qui écoute et qui se plonge dans ses miroirs ne se mettant pas à l'œuvre, étant un acteur oublié, vous voyez que ça ne peut pas marcher, pas vrai? Mais il faut plonger dans le regard, dans la loi parfaite, la loi de liberté. Maintenant, si vous écoutez cela, vous ne vous mettez pas à l'œuvre. L'ennemi dit, on lui a donné le secret. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant pour toi? L'ennemi, qu'est-ce qu'il va encore faire? Il va tisser davantage. Parce qu'il sait que tu as découvert le secret, que si, mettant en pratique, vous allez le mettre en déroute. Par conséquent, il faut qu'il multiplie encore les exactions. Si vous travaillez quelque part, on dit que leur contrat dit que c'est de 7h à 16h. Vu le projet qu'on a en train là, vous allez rentrer avec 19h. Vous voyez ça, frère? Mais vous ne voyez pas la main de l'ennemi en bas. Souvenez-vous quand Ananias a fait la parler, vous n'avez pas vu Satan. Vous voyez cela? Mais ces projets ont été dénoncés comme venant de Lucifer. Alors quand on regarde, oui, on va te payer des, comment vous appelez cela, des œufs subsidiaires. Pour montrer que c'est l'auteur de maman qui est là. Quand tu rentres vers 19h haut de là-bas, tu prends le cahier de l'enfant, tu regardes partout, on a mis 10, oui, c'est bien ça, tu me ressembles. Quand il y a zéro, tu dis que ça, c'est ta mère. Ta mère a fait quoi ici? Après, tu fais comme ça, tu manges un peu, tu dors. Seigneur, merci parce que tu m'as donné la force de résister aujourd'hui. Dieu ne t'empêchera pas de faire cela. Il va falloir que vous compreniez ceci. Ah, vous pouvez parler de. Vous permettez que je parle, frère? Ils sont chauds. C'est mauvaise pensée. Solution. Donc, dans cette partie de solution, qu'est-ce qu'il faut faire, frère? Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut faire quoi? Diriger le cœur vers Dieu. Oui, même les chrétiens, aujourd'hui, vous dites la méditation, il faut beaucoup méditer la parole. Vous allez chez le pasteur, il faut beaucoup méditer la parole. Mais pratiquement, on ne vous dit pas comment. Pratiquement, oui. Méditer la parole, comment? Méditation ne consiste pas à aller prendre la Bible, avoir un temps pour lire. C'est pas cela. Ça fait partie de la méditation. Ça fait partie seulement. Parce que vous pouvez méditer la parole sans avoir le livre devant vous. Puisque la Bible déclare que ce livre de la loi n'est seulement point. On parle de tes yeux. C'est pour ça que vous insistez que ce n'est pas des yeux dans la loi. Il parle de la bouche. Donc, ça veut dire qu'après avoir lu, la Bible, la méditation vient après avoir lu. Ou mieux, après avoir écouté la parole. D'accord? Je sens que vous me suivez. Amen. Ce que nous avons lu, c'est de lire la Bible. Il y a plusieurs façons de lire la Bible. Vous pouvez lire pour comprendre, lire pour avoir les doctrines, lire pour rechercher quelque chose parce que vous voulez savoir un sujet. Vous voyez ça? Il y a différentes façons d'aborder la lecture ici. Mais pour la méditation, c'est autre chose. Ok, lisons. Pour toi, pour qui, frère? Moi. Voilà. Dirige le cœur du frère Junior vers Dieu. C'est ça? Donc, on a dit que vous faites tout que mon cœur soit dirigé vers Dieu. Si vous le faites pour moi, je serai très content pour vous. Alors, si vous voulez prier pour mon cœur, Seigneur, laissez votre cœur vous occuper de mon cœur, vous allez voir. Regardez, pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Étends vers lui tes mains. Souvenez-vous du livre de 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Je veux que les hommes prient en tout lieu. En tout lieu. Où ça, frère? En tout lieu. Dans ce tout lieu-là, est-ce que ton lieu de service est inclus? Amen. C'est ça, le frère a dit non. Il dit c'est tout lieu sauf son lieu de service. Ça dit qu'il n'a pas le droit, il dit qu'il n'a pas le droit de prier dans son lieu. C'est quelqu'un qui s'en est parlé comme ça, il est plongé dans ce que j'en ai dit, sa tête est quelque part. Il se surprend seulement quand il le pointe comme ça, il dit non. La Bible déclare en tout lieu, gardez voir l'esprit toujours ceci. Le cœur ne peut pas être neutre. Si vous restez tranquille en disant que non, je reste tranquille. Vous restez tranquille, c'est là où les vraies batailles commencent. Les pensées commencent. Vous restez tranquille. Si vous restez tranquille, vous allez entendre des musiques mondaines jouer en vous grave seulement. Oui, ce n'est pas Jackie Chan qui vient encore vers Rambo. Alors regardez aussi. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Étends vers lui les mains, tes mains. Maintenant, regardez, regardez. Éloigne de toi l'iniquité. Éloigne. Éloigne, ça veut dire quoi, frère? Et ne laisse pas habiter chacun, demeurer, habiter l'injustice sous ta tente. Je crois que là, il n'y a pas de parabole, pas vrai, frère? Ok. Alors, ce n'est qu'après avoir accompli ceci. Alors, tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Parce que tu as balayé ce qu'il faut balayer. L'ennemi n'a pas à redire. Il n'y a pas quoi que ce soit qui puisse s'attacher pour l'accusation. Il n'y a pas des choses qui lui donnent le droit d'entrer. Sous ta tente ne se trouve pas. La Bible déclare que est-ce qu'on peut être pur avec des faux effaces. Vous connaissez les effaces, n'est-ce pas? Vous prenez pour ceux qui font la balance, la balance injuste là. Ils pipent là. Quand vous voyez, vous allez acheter un kilo de farine. Vous voyez? L'aiguille est sur zéro, alors qu'on a pipé cela. Le zéro là, c'est pas le zéro. Ils ont tourné, je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment quelqu'un est lui-même peut faire des choses comme ça là. Tout simplement, qu'est-ce qu'il veut gagner? Il veut gagner 2 grammes. 2 grammes. Ça veut dire que tu payes le prix de 1 kilo. Tu vois, l'aiguille va bien sur 1 kilo. Mais 1 kilo n'est pas 1 kilo. Tu penses que tu mets sur une balance qui est juste, ça ne donne pas 1 kilo. Et vous travaillez dans ce genre d'entreprise. Ou bien vous êtes comptable quelque part. On dit qu'on a vendu aujourd'hui 3 millions. Les gens de l'impôt ont travaillé quoi? Mets 1 million là-bas. Toi, si tu mets un million. Voilà l'entreprise. La Bible déclare que malheur à celui qui bâtit sa ville ou bien sa maison par l'injustice. Fait comme ça, là, ils grandissent. Mais l'étage là-bas, ça loue. Il met son ventre devant. C'est moi qui ai l'étage là-bas. Son ventre reflète l'iniquité. Parce que la bâtisse là, c'est le reste comme ça là. Là. Et Dieu dit malheur à ceux qui bâtissent sur l'iniquité. C'est pas ça qu'il dit, frère. L'injustice. Oh ben là, cette personne, s'il va faire comme ça là, qu'elle va avoir le cancer des reins. Oh Dieu! Il va chez un pasteur, on dit qu'on ne vient pas chez le pasteur, les mains vides. Vous allez chez le pasteur aussi là-dedans. Prends l'enveloppe, il donne. Le but de l'enveloppe, c'est que donne-moi la guérison. Mais il ne sait pas que la cause lointaine de cette maladie, c'est l'iniquité qu'elle a amassée. La Bible déclare, l'Éternel laisse le méchant le soin d'amasser pour ses bien-aimés. Je sais pas si vous comprenez. Donc très souvent, des choses peuvent nous arriver. Et ça arrive effectivement au monde. Les gens ne voient pas la cause lointaine. Que c'est pas suite de ces choses. Parce qu'ici, on lui dit, tu éloignes l'iniquité de ta tante. Tu éloignes l'injustice de ta tante. L'injustice. Vous vous souvenez de Luc chapitre 18, cette femme-là qui venait demander au roi, à ce roi-là, le roi unique là, de lui rendre justice à partie adverse. On rend justice. Et en rendant justice, comme on voit dans la loi aujourd'hui, la corruption partout. Vous allez porter plainte à quelqu'un, on dit que vous ne bougez pas. Vous dites comment? La personne ne vient même pas, mais vous, on vous met dedans. Pourquoi? Parce que cette personne a de l'argent. Tu te fâches, tu te fâches ton cœur. Tu as le cœur gros. Tu dis, bon, Dieu, ici, c'est le vrai Dieu qui envoie le feu sur vous. L'injustice. L'injustice. On va y arriver avec le système du monde. On va parler de ce système du monde, comme la Bible décrit ici, où ce monde s'est en train de se diriger. Alors, cette personne, si qui construit sa vie sur de l'injustice, va réussir sur le plan humain. Mais Dieu dit pour ceux qui veulent le servir. Dirige ton cœur vers le Seigneur. Ton attention doit être portée. C'est une absolue nécessité. Le cœur doit être canalisé, assez focalisé sur le Seigneur Jésus. C'est le signe que tu nous dis, c'est pas vrai? La deuxième chose, quand, pendant qu'on le fait, parce que souvenez-vous, mettez à côté de ce passage, c'est comme vous avez noté, notez 1 Timothée chapitre 2, donc, comme j'ai cité tout à l'heure. Notez à côté de ce passage-là, 1 Timothée, nous sommes en train de voir dans les solutions contre les mauvaises pensées. Parce que nous avons convenu qu'à l'intérieur, tu restes, ton cœur dit des choses que tu ne voulais pas dire. Il y a des gens que tu as haïs sur ton cœur, et ainsi de suite. Maintenant, comment faire? Comment trouver? Vous voyez que si votre cœur est concentré sur Dieu, les mauvaises pensées ne vont pas y être inspirées. Parce que plus vous vous concentrez sur l'auteur de l'amour, il déversera non seulement l'amour de lui sur le cœur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Merci, Père. Notez 2 Thessaloniciens. Merci, Père. Encadrez cela, parce que c'est par là où nous allons sortir. Merci, Père. Merci. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Vous notez les versets 1 à 5. Vous entourez le verset 5. C'est ça qui nous intéresse. 2 Timothée. Il dit 1 Timothée à côté de ces Job, chapitre 11. D'accord? Chapitre 2, verset 8. Maintenant, tu t'en es dit, notez tout simplement à côté là, parce que tu en as parlé, puis c'est venu là. Mettez 2 Thessaloniciens. Chapitre 3, verset 1 à 5. Vous m'entourez le verset 5. D'accord? Nous allons y revenir. Donc, vous voyez effectivement que si vous dirigez votre cœur vers le Seigneur, lui, il est amour. Vous n'aurez pas le temps d'haïr quelqu'un. Parce que si vous enlevez l'attention de votre cœur sur Dieu, vous focalisez sur l'homme, Satan va vous faire voir ses défauts. Amen. Et quand il va voir ses défauts, vous allez lui dire, je t'aime, mais à l'intérieur, ce ne sera pas ça. Parce qu'une autre image vous est présentée et suggérée. C'est pas ce que vous comprenez. Amen. Maintenant, quand Christ est à la croix, l'ennemi vient vers lui. Il a dit qu'il pouvait ressusciter les gens. Il a ressuscité les gens. Qui s'est ressuscité eux-mêmes? Ces paroles, si on te dit ça, tu vas maudire les gens jusqu'à la 4e génération. Amen. Vous comprenez cela? Mais connaissant l'amour du Père, parce qu'il était en communion avec lui le matin et le soir. Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas. S'ils savaient pourquoi que je suis ici pour eux, ils ne diraient pas cela. Mais savaient-ils, frère? Effectivement, ils ne savaient pas. Et comme ils ne savaient pas, ils n'ont pas besoin de les reprocher cela. Ils préfèrent porter ça sur lui et en subir. Par le travail de son âme, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Vous voyez, c'est parce que c'est livré de lui-même pour nos iniquités. Vous me suivez, frère? Amen. Alors, dans ce 1 Timothée, dans chapitre 2, en parallèle avec ce que nous sommes lire dans ce livre de Job, il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, n'importe où, en élevant les mains, quoi, sans colère ni mauvaise pensée. Donc, pour que, en élevant les mains pures, sans colère, les mains pures. Donc, tout ce que les mains, parce que les mains avec l'empreinte, la main porte le symbole de l'empreinte. Ça veut dire que n'importe quoi que tu fais, ça doit être dans la justice. C'est ce que le prophète a dit ici. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'iniquité en toi. Vous ne pouvez pas dire Seigneur en ayant l'iniquité sur votre tente. Il dit donc que, après avoir focalisé son attention sur Dieu, vérifie que chez toi ne se trouve pas le mal. Parce que tu es focalisé sur Dieu, l'ennemi dira, il est coupable de telles choses, permets-moi de le frapper. Vous voulez qu'il vous frappe comme il a frappé Job? Pour lui, il a frappé sans rien. Donc, ne nous donnons pas l'occasion. Il faut que le Seigneur, quand il y a n'importe quoi, qu'il veut que nous souffrons selon sa volonté, il va nous soutenir. Mais si c'est une punition parce qu'il y a l'iniquité chez nous, il va nous laisser à notre propre force. Si c'est une punition, à suite de l'iniquité, il va nous laisser à notre propre force pour nous corriger. Et donc, par conséquent, il faut qu'on sache ces deux choses-ci. S'il vient parce qu'il veut nous tester pour quelque chose bien déterminé, il va nous fortifier par derrière son esprit. Alors, le Saint-Esprit dit ici dans ce livre de Job, chapitre 13, chapitre 11, verset 13 et 14, il dit, pendant que notre attention est focalisée sur Dieu, l'iniquité doit être ôtée de la tente. Vous suivez, n'est-ce pas? Amen. L'iniquité, toute injustice doit disparaître du milieu de la tente, donc dans ta maison. Alors, quand vous lisez ceci, vous dites, qu'est-ce que j'ai à la maison que j'ai acquis? Vous pouvez avoir prêté un livre à quelqu'un. Vous dites que vous allez lire. Et vous faites comme si la personne, ça va durer longtemps. Vous fouillez votre document, vous voyez que ce livre se trouve chez vous. Remettez cela, c'est de l'iniquité. Vous devez restituer. Quoi qu'on avait eu une avenue ici, la restitution, non? Vous devez restituer. La restitution, c'est un principe biblique. Parce que cette personne dit, waouh, j'avais un livre ici. Waouh, Seigneur, je ne sais pas où ça se trouve. Ça se trouve où, frère? Ça se trouve chez toi. Donc, le père, les enfants de la même maison ont des problèmes. Dieu va te traiter. Alors, nous avons des problèmes. L'iniquité doit quitter chez nous. L'iniquité doit quitter chez nous. Vous avez pris quelqu'un, la chose de quelqu'un injustement. Ça se trouve là-bas. Il faut restituer. Il faut restituer. Vous me suivez, frère? Amen. Voilà. C'est ce qu'il dit ici, le prophète. Alors, il dit, regardez, verset 16 encore. Non, verset 15. Alors, tu lèveras ton front sans tâche. Tu seras ferme et sans crainte. Vous y êtes? Amen. Tu oublieras tes souffrances. Vous voyez? Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, ouais, effectivement, quand on était focalisé sur le souffrance, Seigneur, je chasse l'esprit de souffrance au nom de Jésus. La Bible dit que voici le canevas. Dirige ton cœur vers le Seigneur. ôte les iniquités en toi. Il veut par là dire, le reste là, je m'en occupe. Il va s'en occuper. Il dit, tu oublieras tes souffrances. Pourquoi? Parce que tu vas remarquer que ça s'est extompé automatiquement. La même chose est dite dans le livre des Proverbes, chapitre 3, si vous lisez les versets 13 au verset 26. La même chose est dite là-bas. Que la parole pénètre dans le cœur. Ça nous, on embrasse là. Ça, nous vous appelons cela sœur. Ça veut dire que la parole a été méditée. Ça a pris place dans le cœur. Il dit, à cet instant-ci, si tu dors, tu seras sans crainte. Vous avez lu ça dans les Saintes Écritures? Amen. Il n'a pas dit dans ce livre des Proverbes, chapitre 3, d'écrire ces versets au mur. Ça va te protéger. Coupe même les habits avec le verset biblique sur toi. Si la montée veut frapper, depuis, ça va frapper. Parce que ce n'est pas ça qui protège. Ce qui protège, c'est tout, doit se trouver à l'intérieur. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas, frère? Amen. Ça doit se trouver à l'intérieur, c'est ça. C'est ce qui se trouve à l'intérieur qui amène la lumière qui est tout autour de vous. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Quand il se trouve à l'intérieur, autour de vous se trouve une corde de lumière. Vous vous trouvez dans la lumière. Parce que Christ qui est lumière se trouve à l'intérieur de vous. Et il a dit que si quelqu'un demeure en moi, il ne marchera point dans les ténèbres. Mais il aura en lui-même la lumière de la vie. Alors si Christ pénètre en nous, vous me permettez de critiquer, parle, frère. Amen. Vous n'êtes pas fatigué, non? Amen. Alors, si Christ pénètre en nous par sa parole, si la parole demeure en nous de la bonne façon, vous allez voir effectivement que ça va commencer à tailler des choses de notre cœur. Sans colère ni mauvaise pensée. Sans colère ni mauvaise pensée. Donc, Dieu refuse que le cœur soit dirigé vers lui, qu'on élève les mains avec les mauvaises pensées. Amen. Et il se trouve donc que c'est notre passe-temps favori, les mauvaises pensées. En quittant la maison pour ici, les mauvaises pensées. En rentrant, les mauvaises pensées. En dormant, on dort même avec. Ça nous donne le cauchemar, on se lève encore le matin, on a tchoum. Mauvaise pensée. Au lieu d'être gouverné par la parole, ne gouverné par la mauvaise pensée. Il faut que ça stoppe. Amen. Il faut qu'une fois de plus, une fois pour toutes, on en résolve. Pas vrai, frère? Amen. Vous êtes partant que ça soit résolu, pas vrai? Amen. C'est le passage obligatoire. C'est le passage obligatoire. C'est le passage obligatoire. Parce que ce passage obligatoire, si c'est fait, vous allez parler maintenant qu'on apporte Pierre, pas pour tuer les gens, couper les oreilles des gens. Il ne touche pas mon maître. Vous n'avez plus fait cela. Vous allez maintenant comprendre. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous croyons être sauvés aussi bien que nous. Il ne savait pas cela avant, pas vrai? Ta tante, tu touches son Jésus, va te tuer avec le couteau. Alors on voit effectivement que des choses se sont passées. Quand ces choses sont travaillées à l'intérieur, dit-il dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 24 à 26, il dit que je vais ôter leur cœur, les mauvaises cette pierre-là à l'intérieur, je mettrai le cœur de chair, je mettrai mon esprit en eux, je vais le nettoyer d'une eau pure. Où est ce travail-là, n'est-ce pas? Ce travail, c'est le processus qu'il doit faire. Dirige ton cœur vers le Seigneur. Remarquez bien, il y a ce qu'il lui fait, il y a ce que nous faisons. Dirige ton cœur vers le Seigneur. Pour toi. Donc, si les choses se passent comme ça, toi, dirige ton cœur vers le Seigneur. Notez Lévitique, chapitre 19, là, le verset 17 de la partie A. La partie A, tout simplement, ce bout de phrase-là. Dans ce livre de Lévitique, chapitre 19, là, 17, la partie A, il finit la partie A par un bout de, c'est un bout de phrase avec le, qu'est-ce que ça dit, frère? Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu ne haïras point. Donc il n'y a pas une raison que tu haïs ton frère. Tu ne haïras point jamais ton frère dans ton cœur. Et non, il m'a fait comme ça, tu ne sais pas. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Donc, pas de place de garder rancune dans ton cœur. Pas de place. Vous voyez comment le Saint-Esprit dit ici. Dans cette partie, chapitre 19, verset 17 de la partie A. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Ça m'a toujours supplié quand il me dit ce genre de choses dans la Bible. Il dit que, prenons Papa Tani par exemple, il a un mètre. Ce n'est pas 1m60, non, pas 1m71. C'est ça, non? 71, c'est trop grand. Ça, c'est ma femme qui est 1m71. Tu es 71. Donc, tu as la taille des grâces. Elle a ma taille. Ouais. Elle a ta taille. Elle est venue après moi. Ah, c'est elle qui t'a imité, quoi. Elle qui t'a imité. Ou bien tu as ralenti pour qu'elle te trouve là-bas. C'est ça. Donc, maintenant, on prend une personne de ta taille. Tu as comme ça trois dans ton cœur. Comment on fait pour que quelqu'un de 1m71 puisse entrer dans le cœur, rester là-bas? Tu dis que pardon, il dit que non, il ne pardonne pas, il ne le détache pas de mon cœur. Et quelqu'un dit, il faut savoir, il dit que je ne le détache pas de mon cœur. Il va rester là. Comment on fait pour que quelqu'un de 1m71 puisse rester dans le cœur? Et quand tu vois la personne, tu entends seulement sa voix, tu dis encore le tchoum. Ouvrez encore le Lévitique, là, chapitre 19, verset 17a. Et c'est ce cœur-ci qui va aller devant le plus grave, c'est ça. C'est qu'on refuse en même temps ce que la personne qu'on veut prier dit qu'on fasse. Vous dites, il lui dit, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Puis il dit que non, non, je ne le hais pas, je ne le déteste pas. Je ne le déteste pas, mais je ne l'aime pas, mais qu'il laisse là où il se trouve. Entre temps, tu viens vers Dieu, tu dis, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. C'est vrai, frère? C'est vrai? Quand quelqu'un dit, vérifie ton cœur. Si se trouve des cellules de prière, ou bien des cellules que tu as fait enfermer les gens. Parce qu'il est écrit que ce tabernacle doit être des lieux de prière. Dis. Donc là-bas, c'est un sanctuaire, c'est la tente de rencontre de l'homme avec le Saint-Esprit. C'est le lieu de communication, le point. Et il trouve des obstacles. Le manque de pardon, les gens qui sont enchaînés dedans. Vous souvenez-vous quand vous enchaînez comme ça? Exactement, ces personnes sont enchaînées. Pas vrai, frère? Sont enchaînés. Leur dessein est tourné à la direction que tu les propulses avec ta pensée. Parce que par tes pensées, tu nourris les démons qui travaillent contre la personne. Vous avez quelqu'un comme ça là. Regarde, Fatani, il ne parle pas. Il faut ça. En te regardant, tu es devenu le taureau, frère. Alors, ouais, effectivement, quand la personne fait comme ça, il graisse dedans. Il faut ça, il graisse dedans. Il ne parle pas, mais la parole est sortie du vent. Quoi, de son cœur. D'autres fois, c'est un balai. Il vient de jurer, mais il n'a pas prononcé la parole, mais la parole a été prononcée à l'intérieur. Que tu jures que si tu restes sur la terre 3 ans, tu vas me sentir. Il a dirigé la main vers la personne, mais sans prononcer la parole. Mais regardez, bénissez toujours, ne maudissez point. Bénissez toujours. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si il a soif, donne-lui à boire. Et là, nous disons que nous aimons. On a posé la question au Seigneur Jésus-Christ, quel est le plus grand commandement? Il dit Christ, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, c'est pas vrai? Et puis il a juste voici un second qui lui est semblable. Aime ton prochain comme? De ces deux-là, dépend la loi, elle est prophète. Et quelqu'un est sur la terre de tracer, il trace comme ça, il lève la main vers Dieu qui est assis sur le trône, qui lui a dit que fais attention. Que si tu réussis, ça c'est que c'est un bâtiment. Tu vas voir, tu me connais. Frère, il dit dans ce livre de Lévitique, chapitre 19, la partie 10, 17, la partie A, que tu ne haïras point. Tu ne haïras point. Quand il dit tu ne haïras point, Dieu exclut toute explication, toute injonction devant lui pour expliquer qu'il m'a fait ça. Donc, il ne laisse pas le cas que, sauf si, il n'y a pas sauf si il a fait telle chose. Tu ne haïras point. Dans le livre des, si vous lisez, notez effectivement cela. Matthieu chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 37. Vous notez le verset 1 jusqu'au verset 37. Vous allez lire cela à la maison. Vous connaissez cet homme-là qui avait été pardonné de ses péchés, de sa dette. Dette, c'est en anglais, sa dette. Vous dites quoi en français? Dette. C'est quoi, c'est? Dette. Dette. C'est l'anglais. Vous êtes camerounais de toute façon. Donc, ça veut dire que. Il dit Matthieu chapitre 18, verset 1 à 37. Cet homme-ci qui avait été remis, à qui la dette a été remise, et puis. Et elle est sortie à voir une autre personne qui lui devait aussi la dette. Il l'a attrapé dans le cou, que tu vas me donner mon argent. Vous voyez ce qui lui est arrivé. Et le Seigneur dit à la fin là, de ce verset 37, il dit, c'est ainsi que le Père Céleste traitera chacun de vous si vous ne vous pardonnez pas de tout votre cœur. Tout votre cœur. Donc le problème doit être résolu sur le cœur. Le problème doit être résolu. Ça, c'est le Seigneur qui a dit cela. Donc ça n'a pas changé. Il n'y a pas d'explication que vous gardiez quelqu'un sur le cœur. Il n'y en a pas. En tout cas, ça peut tenir. Tu veux dire à quelqu'un que, en sortant des arguments, agençant les phrases, que tu sais ce qu'il m'a fait, il m'a fait telle chose. Ouais, il y a quelqu'un qui veut regarder. Qui m'a fait telle chose. La personne dit que, merde, non, je ne comprends pas ton problème. Quand tu dis comme ça, c'est que non, il a vraiment dépassé les bornes. C'est toi qui fixes les bornes. Il y a quelques bornes sur la terre où, si tu traverses, on ne doit pas te pardonner. Vous savez vraiment ce que les gens ont encouru durant le temps, frère? Regardez le Messie lui-même venant sur la terre. C'était moi une seule chose qu'il a fait contre quelqu'un. On dit, vous savez comment dans ce livre des apôtres, vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien à tout le peuple parce que Dieu était avec lui, n'est-ce pas? Chassant les démons et guérissant tous les malades parce que Dieu était avec lui. Vous savez comment il a oint. Il faisait du bien au peuple. On l'a tué pourquoi? Juste pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle injustice. En crachant sur sa barbe. La Bible déclare qu'il n'a pas dérobé son visage devant celui qui le giflait. Mais t'as fait un départ. Au nom de Jésus. Pas vrai? Lui n'a pas fait fuir son visage. On tapait. On met le couronne depuis, on pique ça dans sa tête. On gifle. Il sait que s'il enlève ce gifle-là, on ne le gifle pas. Nous, on sera giflés à cause de cela. Donc, il préfère prendre tout ça sur lui. Et puis, nous sommes sur la terre en disant que non. Quelqu'un, j'étais en train de résoudre un problème un jour. Quelqu'un m'a dit, frère, même si c'est Dieu qui descend sur la terre, moi, je ne pardonne pas. J'ai arrêté la conversation. Vous avez besoin d'un problème de quelqu'un. Il dit, frère Junior, ce que tu dis là, je sais que tu vas me sortir le verset biblique. La personne connaît déjà ce qu'il veut faire. Et il dit que même si c'est Dieu qui descend sur la terre, il ne va pas pardonner. Qui suis-je encore pour parler? Elle a fermé la Bible sur elle. Où est-ce là, n'est-ce pas, frère? Le jour, si elle a une grâce, c'est là où on va commencer. Donc, une personne qui te dit que si Dieu vient, ma fille pardonne. Mon fils pardonne, il dit jamais Dieu. Tu sais pas ce qu'il m'a fait. Tu peux comprendre, tu as vécu ça. que Dieu nous vient en aide, n'est-ce pas, frère? Alors, vous voyez que l'une des principales choses qui peuvent nous bloquer dans cette direction, c'est en fait, si vous gardez quelqu'un sur le cœur et que vous dirigez, comme le prophète dit dans ce livre des prophètes, Job chapitre 11, verset 13, dirige ton cœur vers le Seigneur. Quand vous allez aller, le premier chose qui va pointer, c'est ça. Parce qu'il a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont. Si vous allez devant le Seigneur, vous restez chaque fois, vous voyez que votre cœur n'est pas tranquille, vous n'avez pas la paix à l'intérieur. Allez devant le Seigneur parce qu'il y a quelque chose qui vous reproche. Il faut que le Saint-Esprit vous doit la chose qu'il vous reproche pour que vous puissiez enlever cela. C'est la preuve même qu'il est en train de vous guider dans la bonne voie. Il y a d'autres personnes qui pêchent, ça ne leur dit absolument rien. Tu pêches, si tu pêches, ça ne te dérange pas, c'est que tu as un problème. Monsieur, frère, si vous pêchez, quelque chose doit vous avertir que ça ne va pas, quelque chose ne va pas. Vous devrez être dérangé. Si vous n'êtes pas dérangé, vous avez des problèmes. Et si vous êtes dérangé, c'est ce que la Bible appelle n'attristez pas le Saint-Esprit. Il est attristé. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellé. Le cœur vous dit dans le cœur que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut donc la repentance. Vous allez dans la repentance, vous y restez jusqu'à ce que vous voyez effectivement que l'atmosphère à l'intérieur de votre cœur a changé. Vous savez qu'effectivement qu'il a été d'accord. S'il n'a pas été d'accord, vous y demeurez. Vous avez ma frère. Amen. Continuons la lecture ici dans celui des Job. J'ai oublié que vous voyez que même dans le jeûne, on ne peut prolonger au-delà de 18 et ça ne fait absolument rien, pas vrai? Parce que justement, en fait, même la meilleure façon même, vous savez, je suis allé en Allemagne là, pendant qu'il est en train de prêcher tellement que la soeur qui nous a accueillis là-bas commence à faire baigner haricots. On a fait baigner haricots, j'ai fait l'erreur. Non, à toute chose, il y a les enseignements. J'ai fait l'erreur de faire que les gens prennent des pots. Prenez une pause, vous mangez, vous mangez. Prochaine séance, quand il prêchait, tout le monde faisait comme ça. J'ai dit, ok, c'est baigner haricots. Désormais, on est à jeûne, je prêche jusqu'à même pendant 5 questions, finalement, vous mangez. Comme ça, vous mangez. Et justement, quand on finit, quand il dit, ok, c'est bon maintenant, tout le monde commence à parler. Oh, mon frère, c'est comment? Tu viens de où? De Dortmund? Oui. Mais moi, je suis à Berlin. J'ai pris le train pour venir. Ouais. Les personnes qui dormaient tout à l'heure. C'est le meilleur moment ici. C'est le meilleur moment. Le moment des jeûnes. Combinez les jeûnes avec la prière et la méditation et voyez comment ça donne. Vous ne pouvez pas, vous allez sentir la faiblesse sur ceci. Parce que la Bible déclare que celui qui sème pour l'esprit, sème pour l'esprit. Voilà, on connaît tout ça. Vous voyez les grands sujets des Saintes Écritures. Comment sèmer pour l'esprit? Moissonnera de l'esprit. Donc, si vous sèmez, vous allez moissonner. Moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, il faut qu'on travaille dans cette direction. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Mais celui qui sème pour sa chair, moissonnera de sa chair. Pour l'autre, ce n'est pas difficile de comprendre ce que ça veut dire sèmer pour sa chair. Vous comprenez, n'est-ce pas? Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de sa chair la corruption. La pourriture. Donc vous allez semer sur quelque chose qui va aller pourrir, c'est le tombeau qui va manger. Alors ça veut dire que quand nous sommes dans le jeûne, que nous voyons comme cela, vous ne sentez même pas la famine. Vous ne sentez pas la famine. Pourquoi? Parce que l'esprit est en train d'être amené à quelque part. Regardez depuis le chapitre 13 des gens. Au chapitre 15, le Seigneur Jésus dit que ce qu'il les a raconté du chapitre 13 au chapitre 15, ça les a purifiés. N'est-ce pas merveilleux ça, frère? Amen. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Oui, la parole qu'il a annoncée, ils sont purs. Mais quelqu'un n'a pas entendu que je suis tombé sur lui. En entendant, au fur et à mesure, le cœur en est ouvert. Au fur et à mesure, la compréhension les amène dans le royaume. Vous me suivez, frère? Amen. Ok, donc. Verset 15 encore. Alors tu lèveras ton front sans tâche. Tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Écoutez, verset 17. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Donc Dieu a mis la façon de résoudre le problème devant lui pour que les vies spirituelles marchent. Mais quelqu'un dit, frère, j'ai prié depuis, ça ne marche pas. J'ai prié depuis, je vais déjà me décourager. J'ai déjà prié fort, ça ne marche pas. Il y a des petites choses dans la Bible dites qu'il faut faire. Dirige ton cœur vers le Seigneur. Mais la personne si va diriger son cœur pendant 24 heures entre le Dieu de Dieu de ce monde aussi. Mais il va venir 15 minutes chaque fois. Oh Seigneur, oh Seigneur. Mais il le fait, il bavarde sans que son cœur soit dirigé vers le Seigneur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. De ta bouche. De ta bouche. De ta bouche. Et pour que ça sorte de ta bouche, il faut que ça sorte de ton cœur. Ouais, par conséquent, ouais, ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc au préalable, il faut que tu avales le livre. Si ça l'est. Ce n'est pas amer dans votre bouche, à l'intérieur, dans votre entrailles. C'est exactement comme la de miel. Vous connaissez le goût du miel, les rayons de miel. Ça, c'est exactement ce que ça fait dedans. Quand ça entre, je ne parle pas de la lecture maintenant. Il faut qu'il envoie ça dedans. S'il envoie à l'intérieur, c'est exactement ce que ça dit de produit. Vous lisez la Bible, vous pouvez courir, frapper le mur sans vous en rendre compte. C'est merveilleux, pas vrai, frère? Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Écoutez, tes ténèbres seront comme la lumière du matin. On nous informe que nous avons des ténèbres. Donc il y a une façon, si on fait, les ténèbres là vont automatiquement nous servir même des rançons. N'est-ce pas frère? Bon maintenant si les ténèbres savent maintenant que le gars s'y a mis de vouloir travailler, vous pensez qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais vous savez de quoi on a de parler, les ténèbres non? On parle de qui frère? On ne veut pas parler. Même les péchés en nous. Alors donc, on a des problèmes. On a des problèmes. Et regardez, verset 18. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Pas ne sera pas. Ne sera plus vaine. Et enfin, il dit, tu te coucheras sans que personne ne te trouble et plusieurs caresseront ton visage. Donc, les gens viendront te faire avec le renseignement que donne-nous ton secret. Voilà ce que le Saint-Esprit dit. Au préalable, pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. C'est ce qu'il dit. Première chose. Ensuite, pendant que regardez comment quelqu'un peut passer toute une année. Toute une année. Vous voyez, dans la doctrine catholique, on dit que non, si quelqu'un, faut quelqu'un, même si quelqu'un ne va pas à l'église, il faut qu'au moins trois fois dans en Pâques, en fête de Noël et en fin d'année. Ou quoi comme ça. Donc même si vous ne pas comment, voilà, on tolère quand même que tu parles. Donc même si fais l'effort. Fais l'effort. Vous devez comprendre qu'on ne vous supplie pas de venir. Vous devez comprendre que Dieu ne vous supplie pas. Que c'est à votre intérêt. Parce que si vous mourrez, vous allez en enfer. Ça change quelque chose là-bas au ciel. Non. Donc c'est à votre intérêt. Donc on en supplie les gens. Non, mais il faut venir. Non. Si tu comprends qu'il y a un danger devant, vous devez comprendre effectivement qu'il faut s'arrêter. Réfléchir effectivement d'où. Je viens d'où? Qu'est-ce que je fais ici? Où est-ce que je vais? Et avoir des bonnes réponses. Donc vous ne posez pas les bonnes questions, vous n'aurez pas de réponses. Et faut, effectivement, il faut que l'entendement et notre être puisse poser ces questions-là pour chercher les réponses. Si vous n'avez pas de questions, vous n'aurez pas de réponses. Et donc, vous n'allez pas comprendre la nécessité d'aller dans la direction du Seigneur. Monsieur le frère, amen. Diriger son cœur vers le Seigneur. Dans la pratique, donc, comment ça se passe? Vous ne pouvez pas diriger le cœur vers le Seigneur sans aller dans sa présence pour savoir de quoi il est question avec vous. Vous ne pouvez pas savoir. Vous pouvez déposer le cœur, la Bible de côté, vous dites non, je m'en vais vers le Seigneur. Vous allez lui dire quoi? Vous allez là-bas un jour, vous allez lui montrer le doigt que depuis que tu pries, ça ne marche pas. Que Seigneur, si tu ne fais pas aujourd'hui, je vais aller pécher. En lui montrant le doigt. Vous comprenez? Mais vous allez dans la Bible déclare qu'humilie-toi. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu afin que vous allez au temps convenable. Si tu n'as pas lu cela, tu vas commencer à monter le doigt. En montant le doigt, vous savez, il est ton égard, frère. Mm-hmm. Que Dieu nous vienne en aide. À ton propre père, même s'il n'est pas quoi, tu peux lui monter le doigt en parlant. Mm-hmm. Pointe quelqu'un. Dis cesse les bêtises. Cesse les bêtises. Cesse les bêtises. Rentre dans la parole. Et laisse la parole gouverner ton cœur. Afin que tu puisses restituer la parole. En dirigeant le cœur vers le Seigneur. On avance là. Jérémie chapitre 18. Je vous ai demandé d'écrire aussi Jérémie, n'est-ce pas? Je vous ai demandé aussi d'écrire le chapitre 16 aujourd'hui, chapitre 13, 14 et 16, n'est-ce pas? 13, 15 et 16. Vous y êtes? Dans le chapitre 18, quand vous avez ouvert le chapitre 18, revenons au chapitre 16. Donc, comme vous avez noté le chapitre 16 là-bas, lisons les trois, le verset 10, 11, tous et 13. Tu es mon frère, lisons. Écoutez. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces paroles, ils te diront, pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Oui. Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel? Voici le peuple. Dieu? Voici le peuple qui a péché. On dit quand Dieu l'informe, quand tu vas les rencontrer, ils vont dire que Dieu ne menace même pourquoi on a même fait quoi. Voilà les gens qui servent la reine du ciel. Ils se posent la question que qu'est-ce que nous avons fait? Donc vous voyez que vous pouvez vivre dans le péché, vous ne savez même pas de quoi il est question. Et c'est le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et Dieu dit au prophète ici, quand tu vas le dire à ce peuple, ils vont dire pourquoi Dieu nous menace-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que Dieu a dit qu'il va les détruire par ces quatre fléaux. Les pays, la famille, la captivité. Et puis il dit, quand tu vas leur dire cela, ils vont dire, qu'est-ce que nous avons fait? Quel péché avons-nous commis? Ils sont dans le péché sans s'en rendre compte. Peuple de Dieu. Lisons, frère. Alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés après d'autres dieux. Ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont point observé ma loi. Et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos pères. C'est grave. Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur. Stoppez, souligne. Vous avez les reproches. Donc le cœur, cette chose, c'est tellement subtil que tu vis, tu ne rends pas compte qu'il y a un problème. Au temple, ils y allaient. Ils faisaient les sacrifices tels que Dieu en donnait. Ils donnaient les holocaustes, ils respectaient la nouvelle lune, les fêtes, les sabbats pour certains. Mais ils ne savaient pas effectivement que leur cœur était dirigé dans un penchant mauvais. Ils ne savaient pas. Puisque Dieu dit que quand tu vas leur annoncer cela, ils vont dire que qu'est-ce que nous avons fait? Le comportement et l'orientation de ta marche montrent clairement si tu es en train d'être conduit par l'esprit ou bien par l'inspiration de pensées mauvaises. Oui, n'est-ce pas? Ils sont surpris qu'on dit que le vrai problème se trouve à l'intérieur de votre cœur. Que vous allez vous diriger selon les mauvais, regardez bien le mot, les mauvais penchants. Donc dans le cœur se trouvent des penchants qui sont quoi? Mauvais. Les mauvaises inclinaisons. Vous avez pris une tournure, une direction qui n'est pas normale. Ça se trouve au frère? Dans le cœur. Et le vrai problème, c'est qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Continue, frère. Pour ne pas m'écouter. Je vous transporterai de ce pays dans un pays que vous ne connaissez, que vous n'avez point connu, ni vous, ni vos pères. À cause de quoi, frère? Et là, vous servirez les autres dieux jour et nuit. Vous avez entendu cela? Regardez, c'est lugubre, c'est lamentable pour un peuple, pour le peuple de Dieu. Voilà, la conséquence de quoi, frère? Les mauvaises penchées, les penchants mauvais du cœur. Chapitre 18, versets 11 et 12. Je vais te demander de noter aujourd'hui Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, versets 12 et 13, c'est ça? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'espère qu'on a dépassé de bons moments. Et je suis obligé, de cette façon, c'est d'aller dans les prophètes pour parler de ces choses d'abord. D'abord, vous remarquez, de temps en temps, ça m'a fait des incursions seulement dans le Nouveau Testament. J'arrive là maintenant. C'est que je suis en train de dire là maintenant. Les apôtres ont développé ça avec le langage nouveau. Tout ce que je suis en train de dire là, les apôtres ont développé avec le langage nouveau. C'est écrit. Nous lisons. Et quand on va lire l'un d'eux, vous allez voir que c'est. En tout cas, il va commencer, vous allez finir. Mais c'est écrit. Mais c'est la chose que les prophètes disaient. Pas étonnant que l'apôtre Paul dit dans Hébreux chapitre 4 que cette même évangile nous a été prêchée aussi bien qu'à eux. La bonne nouvelle, elle nous a été prêchée aussi bien qu'à eux. Mais ça ne trouva point de foi chez eux. Parce que ça parlait le langage de l'époque. Vous savez que Esaïe commence à dire là-bas, donc, quand ta rosée va monter, quand tu seras maintenant affermi, les arbres vont commencer à battre les mains. Donc quand tu vas pisser dans le manga dit que oye, ça frère. Non. Donc on voit qu'il parle avec son langage. Les arbres vont commencer à battre les mains. Et les cèdres du Liban vont chanter des cantiques en ton honneur. Les cèdres du Liban, frère. Les arbres chantent. Non. Chapitre 18, versets 11 et 12. Qu'est-ce que ça dit? Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Vous entendez ça, frère? Vous entendez? Pointe quelqu'un. Dis, réfléchis bien avant d'agir. Vérifie si ton action va en droite ligne avec la parole. Imagine ce que des êtres humains puissent répondre, donnant en réponse à Dieu. Prenons le verset. Vous avez noté le chapitre 15 aujourd'hui. Lisons le verset 14 seulement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Verset 14. Je te fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Mmh. Car le feu de ma colère s'est allumé. Il brûle sur vous. Vous avez des conséquences, frère. C'est que ils sont de prendre tout ça passé pour vous montrer que les personnes à qui on a parlé, ce ne sont pas des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est ceux qui sont appelés de son nom. Comme il dit dans 2 Chroniques, la 7, que si le peuple sur qui est invoqué mon nom. On peut avancer. Amen. Alors, chapitre 22. Nous allons prendre. C'est moi qui vais lire. Je vais lire du verset 21 à 30. Doucement. Vous-même, vous allez constater les dégâts. On peut avancer maintenant. Amen. Nous sommes dans. Non, ça, c'est Jérémie, ça, non? Oui. Oui. Allons dans Job, chapitre 21. Job. Chapitre 22, hein? Job, chapitre 22. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, je crois que cette séquence sur les mauvaises pensées, si on a encore 3 ou 4 séances, c'est pas terminé. Ah, chapitre 22. À partir du verset 21, regardez. Attache-toi, vous y êtes. Je veux que tout le monde reste là pendant que je vais lire. Chapitre 22 de Job, à partir du verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi donc, attache-toi donc. De l'autre côté, au chapitre 11, verset 13, il nous avait dit pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Ici, il dit attache-toi. Attacher, ça veut dire quoi, frère? C'est lié. C'est lié. Être prêt, serré. Serré. Ça, c'est un ordre. Et c'est, ici, c'est, l'ordre aussi, c'est un conseil. Parce qu'on n'est pas obligé de le faire. Tu ne fais pas. Quand tu n'attaches pas à lui, l'autre t'attache à toi. Voilà. Lui n'a pas besoin de commandement pour s'attacher à vous. Le seul commandement qu'il lui fait, c'est lorsque tu n'obéis pas au commandement. Quand tu n'obéis pas au commandement, il a le plein droit. Donc, si tu n'obéis pas au commandement de notre Dieu, ça lui donne automatiquement le commandement. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Écoutez. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Écoutez, reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Soulignez. Mets dans ton cœur ses paroles. Notez le livre des Proverbes, les chapitres 1 et chapitre 2. Mais dans le psalmiste connaissant ceci, a dit, j'essaie ta parole dans mon cœur, des peurs de pécher contre toi. Vous voyez que la solution, comme il a dit que préserve ton cœur, garde ton cœur plus que tout. Je crois que si le Seigneur permet qu'on utilise le livre de Proverbes, on va encore découvrir beaucoup de choses. Si le Seigneur permet, quand il y aura la stabilité ici, dans cette zone-ci, là, on va prendre le livre de Proverbes pour étudier verset après verset, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 31. Parce qu'avec ça, on pourra aller dans toutes les ramifications de l'évangile. Doucement. Parce que au chapitre 3, chapitre 4 et chapitre 5, vous voyez comment il énonce, jeune homme, que ces enseignements ne sont pour ta bouche. Garde-les, ils te préserveront contre. Où est-ce, n'est-ce pas? Les enseignements se préservent. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors, ici, il dit que garde ses paroles. On doit garder ses paroles où? Dans le cœur. Mets-les au fond, quoi? De ton cœur. Maintenant, dites-moi, voici la parole. Dites-moi comment vous faites que la Bible s'arrive dans votre cœur. Parce que les paroles sont inscrites ici. Alors, si c'est inscrit là, il dit, mets-le donc dans le cœur. Alors, vous mettez à voir. Ouvrez votre tableau, mettez-le. Comme tu avais montré que ton cœur est là-bas. Mm-hmm. Alors, ouvre alors la Bible, tu mets dans la parole là-bas. Vous allez faire comme ça va marcher, frère. Ça ne marche pas. Même si vous dessinez le cœur sur votre habit, vous dites mon cœur est pour Dieu. Ce n'est pas comme ça. Il faut que la parole quitte ici. Oh Seigneur, donne-nous de comprendre ici. Alors il faut que la parole quitte ici pour habiter. Vous voyez que si vous n'aimez pas la parole, parce qu'elle dit dans ce livre de Proverbes que je viens de citer, chapitre 3, chapitre 4, il dit que aime-la et elle t'exaltera. Vous n'aimez pas la parole, vous ne lisez pas la parole en l'aimant. Ça ne va pas marcher. Si vous y allez par religion, parce que comme si c'était un rituel, ça ne marchera pas. Si vous y allez, comme on dit, si j'ai oublié de lire, il faut que je lise, sinon Dieu va me punir. Ce n'est pas comme ça. Il faut que l'amour de Dieu, le Saint-Esprit, mette cela en toi pour t'attirer vers Jésus. Il faut que le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit ne t'attire pas, tu pars, ça ne marchera pas. Vous allez commencer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il y aura du découragement. C'est pour ça qu'il faut que le cœur soit affermi par la grâce. Vous me suivez, frère? Alors, il dit que qu'on garde ces paroles, c'est dans le fond du cœur. Le psalmiste dit, et c'est sur ça que ça devient intéressant. Dans celui du psaume 119, il dit, je sais ta parole dans mon cœur, des peurs de péché contre toi. Maintenant, toi et moi, nous avons 66 livres. Lui, il avait combien? Lorsqu'il parle, il a combien, frère? Il a 5 livres. Donc, par exemple, Jésus-Toum engendra Jésus-Toum. Manassé engendra ici, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob. Voilà les choses qu'il disait. Il s'est resté dans son cœur. Maintenant, il y a des passages du sang de Jésus. Pas vrai? On croit qu'en écrivant le sang de Jésus qui couvre cette maison. Le sang de Jésus couvre cette maison. C'est par là-bas que le démon passe comme ça pour entrer dans la maison. Alors, ce n'est pas le fret des drapeaux ou quoi que ce soit dans le mur. Vous voyez que ça doit quitter la vraie maison où ça doit être installé. C'est à l'intérieur ici. Comment donc ça doit s'installer? Si on ne lit pas systématiquement, assidûment, avec du sérieux, plus que quel que soit le sérieux qu'on pouvait faire dans n'importe quelle direction de la vie. Notez Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Notez le verset 30 à 33. J'ai dit tout à l'heure, vous notez chapitre 1, chapitre 2, n'est-ce pas? Dans ces proverbes, chapitre 2, verset 1 au verset 10, il signale là-bas que si on le cherche, la façon dont on cherche l'argent. Retourne de confiance, puisqu'on a un prototype ici. Frère Donatien, sort de la maison à quelle heure? Généralement, en tout cas, 6h50, ta femme est là. 7h. Ta femme est là. 7h. Si je dis, on va pas, je vais me tourner vers elle. Et il y a les enfants, ils ne mentent pas. Il y a les enfants, les enfants sont là. Papa sort à quelle heure? Ah, ils sont, je ne suis même pas réveillé. On va les demander. Oui, tu sors à quelle heure, frère? 6h45, 7h. 6h45, 7h. Pour arriver au bureau, 7h05. Donc tu es réglé, c'est que 7h05, ne doit pas te trouver à la maison. Et tu le fais systématiquement chaque fois. Pourquoi tu fais cela? Pour chercher l'argent. Donc il m'a consécuté, il a dit, je ne vais pas répéter que c'est pour ça. Beaucoup. Patane, toi tu quittes la maison à quelle heure? 6h30. 6h30, systématiquement. Et tu rentres à quelle heure? Tu quittes le bureau à quelle heure? Tu peux quitter n'importe quelle heure. Donc ton Nebuchadnezzar est flexible. Ton Nebuchadnezzar est flexible. Il peut encore pêcher qui ici? Frère, dis-moi, tu quittes à quelle heure pour aller au travail? Ça dépend du caractère. Service du cas. Si je travaille à 6h, tu quittes à 5h30. Tu quittes à 5h30 pour être à l'heure. Comment tu fais pour te réveiller à cette heure-là? Bon, c'est bien ancré en moi. C'est bien ancré en toi. Donc, quand tu sais que parce que tu rates aujourd'hui, l'argent est en danger. Donc, ça veut dire quand tu dors, comme tu dois à 3h, 5h, tu dois te debout rapidement. C'est ancré en toi. Par où, frère? Où? Dans le cœur. Même les gens, quand il y a les fêtes de 25 décembre, oh là, si on dit qu'il y a le travail le 25, même si les gens partent boire n'importe comment, le lendemain ils sont au travail. Nous-mêmes, s'il a saoulé, vous voyez, il marche comme ça là. Le lendemain, il se lève rapidement. Parce que ces jeunes disent que tu ne travailles pas, il n'y a pas l'argent. Il dit ces jeunes, on doit intégrer comme il est en train de dire là. C'est déjà ancré en lui que tu as intérêt à aller au travail demain. D'autres peuvent travailler, mais ils ont encore le palu. Le reste, de, mieux, ils peuvent travailler là-bas. Je me couche là-bas, je dors. Pas vrai, frère? Il vient avec l'alcool qui sent. Tout ça, c'est quoi? Parce qu'il y a le CFA qu'on va compter à la fin du mois. C'est pas ça, frère? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je le fais ici. Je me lève très tôt pour faire, parce que j'ai intérêt à le faire, parce qu'à la fin, il y a quoi? Une récompense. Maintenant, tournez-vous du côté du Seigneur. Il y a quoi qui nous attend? Quoi, frère? Ok. La vie éternelle. Le bonheur dans ses pavillons. Ok, dans ses pavillons, qui n'a pas de fin. Comparé à cela, on devrait être plus assidu où? Dans la parole. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer mercredi, plaise au Seigneur. Priez pour la santé de votre président. Et je crois que le premier président, le premier ministre en train de voyager là, premier à me demander. Priez pour la santé de votre président. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse mes frères. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse encore. Que Dieu te bénisse. Vous permettez-vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse. Vous avez le réflexe donc. Tout le monde qui dormait, c'est que ce bleu est débrouillé. Donc le sommeil pas automatiquement. Je vais poser une question. Sur le ciel de prier là. Oui. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Encore, je conclue ici. Que Dieu bénisse. Alors, 2 Thessaloniciens chapitre 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Vous avez noté, vous avez demandé de noter ça dans un coin là-bas. Deux Thessaloniciens chapitre 3. Verset 5. Bon, allons rapidement au verset 5. Ah bah, il n'a pas encore ouvert. La détresse arrive. Préparez-vous. C'est une information. Deux Thessaloniciens chapitre 3. On y va, frère. Le verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Encore. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Remarquez que Paul, l'apôtre, parle de ce sujet-ci. Il a donné l'information aux hommes, mais c'est à Dieu qui s'adresse. Remarquez que c'est une prière qu'il a faite. Et qu'il a de faire. Il fait cette prière ici à Dieu pour les croyants. Et la prière qui dit à Dieu, c'est quoi? Il dirige nos cœurs, l'amour de Dieu et la patience. Donc, on a la prière à donner. Que le Seigneur lui-même dirige nos cœurs vers l'amour de Christ et sa patience. Pas vrai? Parce que si on va dans la direction de l'amour de Christ et dans la patience, on ne sera pas ballotté à tout vent de doctrine. Tous ces choses que nous avons parlé là, Dieu, ça ne peut pas avoir de l'emprise sur vous, d'accord? On peut prier maintenant. Amen. Tendre Père, merci pour ces moments glorieux que tu disposes pour l'Église. Seigneur, tu as dit ces choses ce soir. Et nous avons compris, Dieu, que l'ennemi ne dort pas. Et l'ennemi est disposé chaque fois et chaque heure depuis l'éternité à travailler contre nous, à œuvrer à notre insu dans nos cœurs. Seigneur, très souvent nous restons au Dieu de gloire et des choses inouïes se passent en nous, abominables se passent en nous. Et nous ne sommes même pas au courant de ces choses-là. Nous voyons seulement les conséquences sur nos membres, nos agissements. Nous voyons effectivement comment nous sommes en colère très souvent. Et nous nous comportons comme des animaux alors que normalement nous ne devrions pas le faire. Et à l'issue du fait que nous rentrons en nous-mêmes, Père, nous comprenons que ce n'est pas nous qui agissons, mais d'autres choses combattent en nous. Père de gloire, de la haine, le manque de pardon, par suite des tromperies des hommes. Nous sommes déçus par nos partenaires, déçus par des choses qui se passent dans nos vies à cause de toutes ces choses qui se trouvent en nous. Maintenant, Seigneur Dieu de gloire, ce soir, tu as demandé qu'on amène nos cœurs, qu'on soit concentré sur toi. Je prie au Dieu de gloire que tu diriges toi-même ce peuple-ci, que leur cœur soit dirigé vers toi. Donne-leur de considérer ces choses-ci, Père de gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui. On s'intéresse à savoir si. Il est question de la présence du Seigneur, que chacun cherche la présence du Seigneur, fondamentalement. Oui. Non, non, ça c'est individuel. Ici, réunissez-vous, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, mais focalisez-vous aussi sur le Cameroun. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Sois le centre. Jesus.